Adoc, Caradoc. On a perdu. La caravane. On lui apporte ton épée. Radio Adoc 101.1. Ok, donc voilà, nous voilà de retour. Alors on s'excuse pour ces petits problèmes techniques. On est quand même en direct de la Grand Fond. On y arrive, on y arrive. You, you, you. Alors voilà, on est désolé, hier on n'a pas réussi à tenir l'émission parce que voilà, on avait un logiciel qui a bien galéré. Arrêtez de quoi. Et on a eu une petite délégation de Radio Adoc qui est venue nous filer un petit coup de main l'après-midi. Donc merci à Hugo, Emmanuel, Ambroise pour être venus. Et normalement, on s'en sort. On a changé le logiciel, on s'en sort. On est en direct de la Grand Fond et je suis trop contente d'être avec vous. Alors Céline, Elodie et Flo. Donc voilà, donc on va vous présenter déjà un peu le projet. Je sais pas si t'es prête à le faire, Flo. Moi, j'ai pas de micro, mais oui, je suis prête à le faire. Bonjour. Alors, je vais vous présenter ce qui va se passer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans la première partie de l'émission, on va parler de la géographie du quartier. On est allé interviewer Jean-Pierre Brunet, le président du CAGE, devant lequel on est installé avec la Caradoc. Ensuite, on va entendre Jacqueline nous parler d'une histoire aussi du quartier. Après, avec Marie, on a interviewé des enfants, donc on va diffuser un enregistrement de ça. Et Nausicaa a fait une visite aussi avec les jeunes du quartier, donc qu'elle a rencontré devant la caravane. Et pour finir, on va finir par un jeu sonore. Et tout le long de nos émissions, donc après cette première partie, on va parler de la rénovation urbaine à partir de 13h. Demain, il y a un grand repas partagé. Vous êtes tous les bienvenus pour partager, mais vous pouvez venir avec ce que vous voulez, du pain, ou alors une recette, du pain et du fromage, ou alors une recette qui vous plaît. Et on est là, on vous attend avec une soupe à l'oignon. Enfin, on vous attendra avec une soupe à l'oignon. Et dimanche, on fait un jeu des 1000 bisous avec Tom. Et après, on ira à la rencontre des femmes dans le quartier. Et ce serait peut-être sympa aussi de présenter un peu le projet, pourquoi on est à la Grand Fond, qu'est-ce qu'on fait là. Et du coup, je me dis que Céline a peut-être envie de prendre un peu le micro. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Grand Fond? Vas-y, dis-nous Céline, qu'est-ce qu'on fait à la Grand Fond? Alors, on a installé la caravane, et l'idée c'est de se dire qu'on est des voyageurs, donc nous arrivons dans un quartier qu'on ne connaît pas, et on est à la recherche d'histoire. Savoir un petit peu quelle est l'histoire du quartier, rencontrer les gens. Céline cherche surtout l'eau quand même. Oui, moi je cherche l'eau parce surtout que j'ai l'eau. Très très soif. Et puis je me dis, voilà, la Grand Fond, il y a forcément une histoire de flotte derrière. Peut-être de quelques degrés aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on cherche l'eau. Tu veux qu'on écoute le président du CAGE pour savoir s'il y a de l'eau ici? Ouais. Alors je m'appelle Jean-Pierre Brunet, je suis le président du centre social CAGE de Bel Air Grand Fond, Victor Hugo, La Madeleine, et puis La Gare. D'accord, et du coup vous êtes du quartier, vous venez du Alors, quartier, je suis du quartier parce que je suis né rue des Sources, c'est le cas de le dire, en bas, vers la Grand Fond, là. Et ensuite, pendant 23 ans, j'étais directeur du centre médico-psychopédagogique de Bel Air. Donc je connais bien un peu le coin, je connais les habitants et j'ai vu un certain nombre de choses. Alors comme quoi? Comme quoi? Ben non, j'ai vu ce quartier naître, puisque j'habitais rue des Sources, né vers les années 50, 50 et quelques. Mais avant, on peut dire, dans l'histoire, on peut dire que ce quartier s'est bâti en dehors, c'est très loin dans l'histoire, hein, mais des remparts de la ville. C'était en bas, c'était un lieu où on déversait les poubelles, tout ce qu'il y avait de là. Et il y avait des gens, il y avait des lépreux, beaucoup de lépreux dans ce coin, parce qu'ils étaient mis ici. D'ailleurs, il reste le cimetière des lépreux. Il y a également la chapelle des lépreux qui n'est pas très loin non plus. Et puis partant de là, mais c'était vers les années X, hein, je me souviens plus, parce que j'y étais pas. Rassurez-vous. Après, ce quartier a évolué. Moi, je suis né dans les années 40, hein, donc J'ai quelques heures de vol, comme on dit. Et comment il a évolué ? Alors, il a évolué. Bon, c'était un quartier au début qui était avec quelques pavillons, hein, qui étaient là vers les années 40. Et ensuite, on a vu surgir, enfin, en quelque sorte, vers les années 50-60, les buildings, ce qu'on appelait les buildings, qui ont été la construction. Parce que, après la guerre, on était en pleine période de reconstruction. Donc, les gens, il fallait loger les gens, hein, les gens qui venaient, qui de la campagne, qui venaient, qui étaient des rapatriés aussi, hein, beaucoup. Donc ça a été le premier temps où tout a été mis en place, hein, ici, sur ce quartier. Ça a commencé, pardon, j'ai la voix qui est un peu éraillée, vers le quartier de la gare, par les bâtiments d'Arras et compagnie, là-bas, au fond. Et ensuite, ça s'est allé vers Bel Air et vers Grandfonds, tout le temps là-bas. Hein. Bon, il y a eu des afflux de population, d'une population qui était agréable, hein, tout à fait au début. Il y avait pas mal de fonctionnaires qui se logeaient ici. Mais, bon, au fil des années, ces gens qui étaient ce qu'on appelle des Français moyens, en quelque sorte, hein, ont voulu, se sont fait construire à l'extérieur ou un peu plus loin. Et ont laissé la place à d'autres personnes, des personnes qui, quelquefois, malheureusement, se trouve dans la difficulté, parce que c'est sur Bel Air que l'on trouve les bâtiments, les appartements, pardon, les plus grands et au prix le plus bas. Donc c'était une manière comme une autre de reloger les gens. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait dans ce quartier. Et pourtant les appartements sont pas si grands que ça, en tout cas. Alors si, il y en a certains. Oui, mais il y en a certains. Certes, il y en a certains, mais il y en a d'autres qui sont grands quand même. Hein. Donc par exemple sur un bâtiment qui va être démoli, je me souviens plus du nom. C'est qu'importe, on se souvient plus du nom. Mais de deux appartements, on en a fait un pour loger une très grande famille. Donc ça aussi, ça entre en ligne de compte, hein, dans tout ce que l'on peut mettre en place. Et ces bâtiments-là, ils ont un nom particulier, à chaque fois ils ont un nom. Oui, oui, alors il y a les oiseaux, les noms d'oiseaux et les noms de fleurs. Hein. Et ça vient de tout ça, c'est quelle idée? Je crois que c'était, alors il y avait l'OPH, l'OPH, si je ne m'abuse, les bâtiments, là c'est les fleurs, je crois. Et vers là-bas, l'office qu'on appelait l'office départemental avant, qui est devenu l'Ogélia, ce sont les oiseaux. Hein, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine du nom, là, Grandfonds ? Grandfonds, alors Grandfonds, c'était les grandes fontaines. Hein, il y avait des sources, et un peu partout, hein, dans le quartier. Il y en a encore qui demeurent et qui alimentaient une petite rivière. Enfin, une rivière, c'est pas une rivière, c'est un ruisselet. Qui était au fond là et qui permettait, il y avait un écoulement des eaux, hein, qui se faisait et qui allait vers se jeter dans la Charente en passant sous la gare. Hein, il y avait tout un tas de constructions draguer ces eaux. Au cours de la guerre, après la guerre 1944, il y a eu le bombardement. Le bombardement, alors c'est la gare qui était visée, mais le quartier a pris aussi, hein, puisque c'est une proximité. Et puis partant de là, beaucoup de personnes se sont retrouvées, beaucoup de maisons ont été endommagées, presque tout le quartier d'ailleurs, hein, faut dire. Et vous avez vu ça ? Moi je l'ai vu, ouais, je l'ai vu, 44. J'étais né, j'avais 4 ans. Donc j'ai vu tout ça. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode avec mon père. Enfin, mon père, ma mère et ma mère, quand il y avait les bombardements qui étaient annoncés, on entendait les avions, les alertes, et on allait se mettre dans ce qu'on appelait les rotondes. Les rotondes, c'est ce qui est en montant vers Victor Hugo, là. C'est là qu'on se cachait, qu'on voyait les bombes. Moi, je me souviens encore, ces chapelets qui tombaient, ça, c'était énorme. Ouais, c'est des souvenirs qu'on garde toute sa vie, ça, hein, en tête. Vous disiez que vous jouiez aussi dans... Alors, en même temps, si vous voulez, bon, il y a eu les bombes sur le site, là où on est à peu près, c'était la butte, on appelait ça la butte, et là, il y a aussi des trous de bombes, et il y avait des trous de bombes parce que ça n'a pas échappé au bombardement, et quand on était gosse, vers les 10, 11 ans, on venait jouer dans les trous de bombes, hein, avant qu'il y ait les reconstructions, voilà, mais à cette époque aussi, il y a eu un grand lac, ce qu'on appelait, parce que les canalisations avaient été explosées. L'eau, il fallait bien qu'elle passe quelque part, et ça a été de l'eau partout dans le coin. Voilà, c'était un grand lac. D'accord, et donc voilà. Maintenant, il n'y a plus d'eau du tout. Il n'y a plus d'eau, parce que tout est canalisé, avec des grandes canalisations, puis il n'y a plus de bombardement, heureusement. Et Et vous parliez hier des fonderies, mais je me rappelle pas. Alors, non, alors, il fut. Alors, voilà, fut une époque vers les années 60. Hein, il y avait des gens qui travaillaient à Bizerte. Hein, c'était des rapatriés, hein, ce qu'on appelait de Tunisie. Hein, des pieds noirs, en quelque sorte. Bon, qui se sont retrouvés, qui ont fui la Tunisie, et qui sont revenus, qu'il fallait loger, et qui travaillaient dans ce qu'on appelait la fonderie de Ruelle. Ruelle, c'est à 7 km d'ici, donc. Et il fallait bien les reloger. Donc, ils ont été relogés dans les bâtiments du quartier. Et c'était des gens, c'est pareil, de conditions quand même moyennes, supérieures. Donc, qui permettaient d'avoir sur le coin une mixité sociale qui, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, a disparu. Parce que ces gens-là ont fait construire ailleurs, se sont retrouvés dans d'autres lieux. Donc, pour vous, il n'y a plus de mixité sociale ? Il y en a beaucoup moins. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Bon, il y a toujours des pavillons, c'est vrai. Mais est-ce que les pavillons vont se mélanger avec le reste ? Bon, à voir. Mais en tout cas, il y a une mixité culturelle ? Mixité culturelle, oui. Qui est apporté par nous, par le CAGE, puisque bon, nous sommes les seuls survivants du quartier, là. Il n'y a plus que le CAGE. Le centre commercial a disparu. Bon, il n'y a plus que le CAGE. Et partant de là, bon, notre action est de faire saisir, de faire d'amener la culture à ces gens, parce que la culture, c'est quelque chose d'important. Ça permet de se sublimer, de trouver autre chose, de voir un autre point de vue. Hein, il faut élever les gens. Donc le rôle du CAGE, c'est vraiment ça fait partie de la culture. Le reste, bon, il y a l'épicerie sociale, ce qu'on appelle aussi. Il y a le secteur famille. Il y a le secteur jeune pour les aides aux enfants. Enfin, les centres de loisirs, hein, les loisirs d'été aussi également, et l'aide aux devoirs du soir. Tout ça, ça existe. Hein, c'est nous qui le mettons en place. D'accord. Et vous êtes nombreux à travailler au CAGE ? Il y a beaucoup de nous sommes 38. Et beaucoup de bénévoles ou des salariés ? Alors, non, là, c'est 38 salariés. 38 salariés. Et à côté de ça, bon, sur certains lieux, comme l'épicerie sociale, il y a des bénévoles. Hein. L'épicerie sociale, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on a mis en place, le jardin partagé, où ce sont des bénévoles qui interviennent. Et qu'est-ce que c'est, le jardin partagé ? Le jardin partagé, c'est un lieu, un jardin qu'on a pour tout le quartier, pour ceux qui ont envie. Il se trouve vers le bas, là-bas. Pour ceux qui connaissent, c'était l'ancienne piste de la sécurité routière. Hein, et puis partant de là, bon, ben, les gens viennent, sèment des radis, sèment des carottes, sèment des choux, et puis veillent à peu près ce qu'il y a. C'était les tomates l'an dernier, bon, voilà. Et puis c'est un lieu de partage également, où les gens se retrouvent, discutent, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ça vous va ? Oui. Merci beaucoup à Jean-Pierre Brunet, le président du CAGE. Pour nous avoir permis d'avoir cette interview tout à l'heure. D'ailleurs, on l'a trouvé au CAGE tout à l'heure et on s'est assis autour d'une table pendant 10 minutes et il nous a raconté toutes ses histoires sur la Grand Fond. Et pour la suite, moi j'avais récolté une histoire aussi auprès de Jacqueline quand j'étais allée à l'épicerie sociale il y a quelques temps. Vous vous appelez comment ? Madame Gourin, Jacqueline. Vous êtes dans le quartier depuis longtemps ? Alors, moi, j'y suis depuis très, très, très longtemps parce que je suis arrivée dans le quartier avec mes parents en 62. Alors, j'étais d'Angoulême, hein, quand même, mais dans le quartier depuis 62. J'en suis repartie après mon mariage pendant une quinzaine d'années et j'y suis revenue en 96, donc après un divorce, de retour en 96 et j'y suis toujours. Vous connaissez l'histoire de ce quartier à la base ou pas ? Le nom Grand Fond ? Pas trop, non. Non. Et salade aussi. Non. Je sais que nous, où on habite, enfin, où se trouve notre bâtiment, on a le bâtiment Iris. On a la rue, c'est Impasse du Petit Nice. Et je sais que là-bas, c'est lié à des jardins qu'il y avait avant la construction des bâtiments. Et que ce petit coin de jardin s'appelait le Petit Nice. Parce qu'il était très abrité de, je ne vais pas dire du mauvais temps, de la pluie et tout ça, mais assez protégé du vent, des courants d'air et tout ça. Et ce qui fait qu'au niveau jardin, ils avaient des potagers qui étaient vraiment très jolis quoi, par rapport à d'autres jardins. Ce qui fait que le fait du Petit Nice est toujours resté. En plus, il y avait une rivière qui passait, qu'ils n'ont pas fermées, enfin, qu'ils ont recouvertes, mais pas fermées, pas bloquées, quoi. Moi, quand je suis venue avec mes parents en 62, et j'avais 13 ans à l'époque, et donc cette source, on la voyait couler. Donc on a notre bâtiment qui est comme ça, on avait la source qui passait comme ça. Et donc après, bon, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose de très large, mais c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas la laisser, donc ça a été recouvert, mais elle n'est pas condamnée. Elle existe toujours, quoi, ça circule toujours. Et qu'est-ce qui a changé depuis 62 ? Ce qui a changé, eh bien, disons que nous, quand on est venu en 62, on avait le bâtiment derrière qui n'était pas construit, qui est arrivé par la suite. Il y a eu l'école, une école à côté, l'école Raoul Boucheron, qui avait été construite avec la salle de sport. Et puis, celle qui est juste à côté du lycée. Quand vous êtes sur Victor Hugo, les bâtiments que vous avez dans le creux, dans cette cuvette au fond. Et cette école Raoul Boucheron, voilà, celle qui est fermée déjà depuis longtemps et qui doit être détruite, qui devrait être détruite cette année. Donc il y a eu l'école, après ce qu'il y a eu de changé, disons donc d'autres constructions quand même. Il y avait un centre commercial qui a fermé après par la suite, mais c'est vrai qu'avec les grandes surfaces autour et tout, c'est... Centre commercial, il était très bien quand on n'avait pas Leclerc et tout ça. Mais après, avec les grandes surfaces auprès... Les petits commerces perdent automatiquement leur place, quoi, dans la communauté. C'est problématique ou pas ? Disons que pour des personnes âgées, oui. Pour des personnes âgées qui ne peuvent pas trop se déplacer ou quoi, c'est vrai qu'une boulangerie, un médecin, une pharmacie, des choses comme ça sur place, c'est quand même important. Parce que sinon, il faut qu'ils aillent ou à la Madeleine, ou à Victor Hugo, ou à Leclerc. Et comme on est dans un quartier où on monte... Alors le retour est toujours plus rapide parce qu'on descend, mais pour repartir, bah, il faut monter, c'est pas forcément évident, quoi. Et tout le monde n'a pas une voiture pour se déplacer ou quoi, donc... Alors voilà, on remercie Jacqueline et Florence pour avoir récolté cette parole. Et attention, Cédric nous a rejoint dans la Caradoc pour notre magnifique voyage. Voyage, voyage. Avec la Caradoc, la caravane mobile... Radio Adoc 101.1. Alors Cédric, toi, il paraît que t'as habité à La Grand-Fond. Oui, j'ai habité à La Grand-Fond de mi-2008 à fin 2011. Ah oui, ça fait quoi, 3 ans ? J'ai 3 ans et demi à peu près. Et alors, où est-ce que t'habitais exactement ? J'habitais rue Marie Gounin. Alors, tu pourrais nous décrire un peu, justement, c'est la géographie du quartier, si tu pouvais nous faire un petit plan ou... C'est, on va dire que les tours, elles sont un peu sur un promontoire, elles sont un peu sur une petite colline, en fait, toutes ces cités-là. Et il y a des cités qui descendent tout en bas, au pied de Victor Hugo. Et là, il y a des maisons, un quartier pavillonnaire, entre autres, des maisons des années 30, 40, 50. Et la rue Marie-Gounin, c'est dans la prolongation de la rue de la Grand-Fond. Tout au bout, à gauche, dans la cuvette de Victor Hugo. Ok. Et alors le quartier te plaisait ? T'aimais vivre ici ? Ouais. Le quartier me plaisait beaucoup. J'aimais bien vivre ici. Oui. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison je suis parti ? Non, pour quelle raison t'aimais ? Et pour quelle raison t'es parti aussi, les deux ? Pour quelle raison je suis parti ? Pour raison professionnelle, personnelle. Et j'aimais beaucoup parce que je sais pas pourquoi. C'est un quartier historique, quand même. Un vieux quartier d'Angoulême. Et après, moi, j'habitais en face du gymnase, en fait. Derrière le gymnase ou en face, ça dépend. Le gymnase qui est tout en bas. Vous Alors, c'est pas celui qui est au rond-point au niveau de la gare ? Non, c'est pas celui-là. C'est celui qui est un peu plus loin. C'est celui qui est plus loin, au fond, plus loin. D'accord. Ouais, grosso modo. Et donc, il y avait plein d'activités là-bas. Et puis c'était sympa parce que... Dans les cités, tout le monde est souvent dehors, donc il y a vachement de vie, quoi, quand même. Derrière chez moi. Pas trop dans mon quartier résidentiel, mais derrière chez moi. Parce que mon jardin donnait sur les tours du bas, en fait. D'accord. Bah oui, du coup, ça revient un peu sur la question de ce que nous disait le Jean-Pierre Brunet, le président du CAJ, par rapport à la mixité sociale, qui en avait de moins en moins, parce que justement, les personnes des pavillons ne se mélangeaient pas forcément avec les personnes qui vivaient dans les tours. Et du coup, toi, comment t'as ressenti ça ? Est-ce que tu penses que... Je pense que c'est vrai. Moi, j'ai pas forcément fait d'efforts non plus pour venir jusqu'ici à l'époque où j'habitais là, pour venir au CAJ non plus, alors que je sais qu'il y a des trucs super au CAJ depuis longtemps. Le seul lien, moi, c'était qu'il y avait un parc d'enfants, en fait, derrière chez moi, entre les tours et mon jardin. Donc, j'ai amené ma fille au parc d'enfants, c'est là où je rencontrais les gens. C'est grâce à ma fille si j'ai fait du lien social à ce moment-là. Mais c'est vrai que je comprends ce qu'il dit et il a raison. Je pense qu'on est peut-être un peu tous frileux à se mélanger, quoi. Ouais. C'est vrai. Et t'es content de revenir, là ? Ouais. Super. Merci de m'avoir invité. Bah avec grand plaisir, merci d'être venu, surtout. Festival. Ouais, j'ai une petite question parce que tu viens de l'extérieur. Nous, on est dans la démarche qu'on fait, c'est d'être là à 300% pendant le festival de la BD et il n'y a rien qui nous arrive. Donc peut-être que tu peux être là, tu arrives du centre-ville par exemple. Ouais, j'arrive du centre-ville. Il se passe quoi ? Bah, il y a plein de monde partout dans les rues, il y a des cars scolaires devant la gare. La ville est interdite aux voitures, les piétons ont pris le pouvoir, c'est super. Il y a des gens d'un peu partout, avec des cheveux verts, des cheveux rouges, des déguisements super, ça parle de BD, il y a des buvettes, c'est génial. Angoulême vit un peu. Et t'as senti quoi en venant ici par rapport au festival ? Tu sens qu'il est là ou pas ? Non, là on sent pas qu'il est là. Là c'est calme. Vous êtes bien, bien au milieu de la cité, vous êtes paisiblement installé. Non, ici c'est calme, hein. Là-haut, bah ouais, c'est pour ça, on a l'impression qu'il y a deux vies, quoi, c'est assez drôle. Il y a deux Angoulême, c'est vrai. Et donc, pour rebondir là-dessus, effectivement, on est là à 300%, on est là depuis mercredi, quand même. On est arrivé mercredi avec Florence Nozica, on avait une petite équipe hier aussi, il y avait Lucie, enfin voilà, on a été pas mal aidés par Clément. Et donc, jeudi, on a commencé à préparer l'émission qui était censée passer... Mercredi, oui, pour jeudi, qui était censé passer hier, du coup. Tu veux nous expliquer ce qui s'est passé, Marie ? Et voilà, donc, on en arrive au fait que Nozica a rencontré des jeunes au cache et qu'elle est partie avec eux pour faire une déambulation dans le quartier. Et donc, ces jeunes-là lui ont présenté le quartier, ont raconté leurs souvenirs. Et donc, elle nous a préparé un petit PAD. C'est parti. C'est parti pour la visite ? Oh, il fait froid ! Toi aussi, tu sors comme si on est... Non, vas-y, on va commencer par le petit parc en bas, là. Vous avez grandi ici, vous ? Ouais. Steven, il a habité avec Togo, mais il traîne avec nous. Ça fait longtemps, on est des amis de l'Ontac, c'est ce qu'on nous dit. Ce parc, c'est là où on a commencé à jouer, on était là, on a commencé à jouer ici depuis petit. Hein. Parce qu'il y a ça, et le City, mais... Vu que nous, on était trop petits, on jouait ici. Ouais. On pouvait pas aller jouer ici parce qu'il y avait des parents. Les parents, ils voulaient pas qu'on aille au City. Ouais, ils voulaient pas trop qu'on aille loin, donc... Donc on commençait par là. Il s'appelle comment ce parc ? Est-ce qu'il a vraiment un nom ce parc ? Le petit parc ! En vrai ouais, le petit parc on appelle ça nous. Ouais, quand on est aussi au petit parc, c'est vraiment... on sait que c'est là. On peut rappeler ça aussi, tu sais, le parc des Trois Tours. Parce qu'il est entouré par trois bâtiments. C'est un triangle. Nous on parlait aussi du triangle. On parlait de triangle des Bermudes parce que c'était quelqu'un... Non en vrai c'était quelque chose en vrai. C'était un stade où... On rentrait chez nous, il y avait des cailloux, mais. Avec nos mères ici, sur le côté, assis sur les bancs, à parler tout l'été. Nous, on jouait ici, on rentrait chez nous tout sale. Voilà, parce qu'en plus. Des pantalons tout verts. Ah ouais, des pantalons tout verts. On se rentrait dedans, en vrai. Hein. On faisait ici, du là. Foot, mais on s'en... Ouais, il y avait des cailloux ici, mais on s'en foutait, quoi. Il y en a glissé sur cette pente. On voulait jouer ici, ouais. Ici, par exemple, on mettait des bouts de carton et on glissait, quoi. On n'avait rien à faire, quoi. C'était vraiment. C'était pas nos problèmes quoi. Nos mères elles nous criaient dessus, mais nous on s'en foutait en vrai, on était jeunes. C'est ça qui est bien en vrai de quand t'es jeune, c'est qu'en vrai tu t'en fous de tout. Après ici c'est plus les personnes plus âgées qui jouent à la pétanque. Ouais, qui jouent à la pétanque. Ça c'est plus de temps. Ouais, tu vois, c'est plus les personnes les plus âgées ici. Et vous vous entendez bien ? Ouais, en vrai, il y a du respect, je pense. Après tout, un bonjour, ils nous disent bonjour. Après, ils font leur vie, hein. Nous, on est là. Quand on était petits, nous, tu nous donnais une balle, on pouvait courir toute la journée. On pouvait taper dans la balle toute la journée et on s'en foutait, en vrai. Si, moi, je rentrais, j'allais là-bas à 14h, je finissais chez moi à 21h. C'était pas mon problème. Après, ouais, il n'y a pas forcément spécialement des grands coins. On va aller en saccage, non ? Ouais. On monte vite fait en saccage. Ouais. Et donc là-bas, il y avait notre ancien local. Ok. On traînait là-bas et... Mais le maire, il a jugé que c'était trop dangereux, du coup, nous a déplacé à... C'était ça, en vrai. À la On allait entre potes, on traînait. Hein. Quand on sortait des collèges... Les jeux de société, etc. C'était assez grand. Après, viens, on monte. Ouais. Quoi, en vrai ? On passe à la banane. On passe à la balade, vas-y. Là, on va passer dans le bâtiment le plus fréquenté, le plus habité, le plus bon, on va dire. Vraiment, ouais. Non, en vrai, c'est ça, ce bâtiment, il s'appelle Carias. Mais on l'appelle la banane. Je pense, comme tu l'as vu avec sa forme. C'est ça, le bâtiment vraiment qui représente Bel Air. C'est le plus long, c'est le plus grand. Et pourquoi ça représente Bel Air? Bah, parce que c'est vraiment. Je pense que c'est le bâtiment. Quand tu parles vraiment de la banane, tu sais où c'est. Si tu parles de Bel Air, t'es obligé de parler de la banane. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment le bâtiment où. Ouais, elle est populaire, quoi. En fait, c'est ça. Hein. Ouais, en vrai, c'est le final. Et là, maintenant, c'est CK2. Comme vous voyez, il est propre. Donc, ouais, de toute façon, on a tous des potes qui habitent dans la banane. De toute façon, on a tous des connaissances. Ouais, ça fait partie d'un des bâtiments. Et là, vous marchez sur le boulevard d'Auvergne. Ouais. Chez nous, on a le boulevard d'Auvergne. C'est la rue, en fait, qui traverse Bel Air, en fait, au final. C'est une longue ligne droite qui part de là, qui s'arrête jusqu'à devant le collège. Et là, en fait, on est plutôt au centre du quartier. C'est le centre. Bel Air, de toute façon, c'est que basé sur des pentes. Et puis, c'est au milieu centre, parce que, après, au final, ça va faire que de descendre. Après, okay. Tu vas descendre. Et franchement, il y a des moments, vivre dans un quartier avec des pentes, ça peut saouler forcément. Par exemple, on peut se retrouver à faire un city. Là-bas, elle finit au crabe. Quelqu'un tire beaucoup trop fort, elle se retrouve tout en bas à côté de l'école Georges Sand. Tu vois qui va la chercher, tu vois. Tout en bas du quartier, il y a une école primaire. Et à côté, il y a un hôtel qui s'appelle Le Crabe. Ouais. Et tous ces bâtiments-là, ils ont des noms? Ils ont des noms. Bah nous, quand j'étais petit en école, j'avais appris qu'ils avaient des noms d'oiseaux. C'était des noms d'oiseaux, ils ont expliqué des noms de fleurs. Nous, en vrai, au final, on les connaît, non, mais pas tous, forcément. Par exemple, les bâtiments verts au fond, je pourrais pas te dire forcément de tête. Moi, je connais, il y a Duc. Ouais, mais après, mais non, Duc, qu'est-ce que tu racontes? Duc, c'est en haut. Duc, c'est en haut, Duc, c'est en haut. Ah, ouais, je crois, ouais. Il y a Up, mais c'est non. Up. Non, il y a pas Alouette, Up. Non, mais c'est là-bas. Parce que c'est vraiment, des endroits où on traîne pas, par exemple, à H24 là-bas. Lui, c'est Bergeronnette, non? Ça, c'est Bergeronnette, ça, c'est Alouette. Faut pas parler de ce bâtiment-là. Pourquoi? Ce bâtiment, il y a trop de trucs. C'est vrai? Il y a vraiment trop de trucs. Non, est-ce que je peux avoir une histoire? Non. En termes d'histoire, c'est chaud. Non. Après, il y a aussi ça, là, allez. En haut. Il y avait des bancs en haut aussi. On traîne plus vers l'été, en haut. Ouais, c'est vrai, c'est plus l'été, en fait. Plus l'été. Parce qu'ici, il y a trop de soleil. Hein. Ouais, quand il y a trop de soleil, nous, on se posait sous les arbres, là-bas, ouais. À côté des bancs. En fait, tout dépendait, en fait. Genre, sur un coup de tête, on pouvait se poser dans n'importe quel endroit ou... Le lendemain, on pouvait changer de place, mais il y a vraiment des coins, on a vraiment zoné. Après, là, ici, c'est le city. Hein. En vrai, au final, le city, c'est vraiment là où. Ah, c'est là où il y a quelque chose. Il y a tout le monde, quoi. Ouais, en vrai, au final. De base, quand tu arrives sur. Quand tu sors de chez toi et tu veux aller au quartier, bah, tu vas au city. C'est tu quoi dis, bon, bah, c'est ça, le city stade. Hein. L'endroit initial pour se rencontrer, c'est ici. C'est ici, hein. Les gens. Si tu vois, ta journée commence, fini. Ouais, plus souvent, c'est là. Ah, tu peux venir ici à 13h et repartir à 18h. Ah, ouais, tu peux. 18, et encore, hein. T'es gentil, c'est gentil. Ouais, 18, c'est gentil, c'est vrai. Après, même, comme on disait, c'est comme au petit parc, mais façon plus longue. On rentre ici des journées à l'été. On pouvait se mettre à taper un foot jusqu'à les lumières, elles s'éteignent parce qu'elles s'éteignent vers 22-23 l'été. Et dès que le city s'arrêtait, des fois, que quand les lumières s'éteignaient, ouais. Donc c'est ça. Hein. Après, ouais, comme on l'expliquait par exemple, si on jouait ici, la balle, quelqu'un pouvait taper fort ici, elle pouvait descendre en bas du centre commercial, et en bas du centre commercial, c'est le crabe. Ouais, c'était bien, ça nous a forgé. De toute façon, vu qu'il y a des pentes ici. Et il y a beaucoup de bus qui passent? Ouais, il y a que la ligne 4. Ouais, la ligne 4. La ligne Angoulême, ça. Et ça, par contre, c'est pas cool, ça. La ligne 4. Ah ouais. Ça, c'est pas cool. Ah ouais, une ligne, il y a trop de monde. Ah bah non, c'est pas cool la ligne 4. Surtout dès le matin, 7h du matin, tu vas blindé. Toi, t'es juste à côté du conducteur, t'es en équilibre. Dès le matin. Ah, c'est pas une ligne, c'est trop dur. Ah ouais, une ligne. Il y a que attends, le 4. Ah, je viens descendre par là. Soit le 4 en haut ou à côté de la gare, mais après ça dépasse. Mais tu vois, faut vraiment avoir. Tu vois, en vrai, quand on se dit, on a des galériens, nous, des fois, on fait des trucs de. C'est merde. T'es obligé de galérer. Alors, merci à Nausicaa et aux jeunes du CAGE pour cette visite. C'était que la première partie. Oui, c'était que la première partie. La deuxième partie, elle sera un peu plus tard dans l'émission. Et il y a Christophe Montero qui vient d'arriver dans la caravane. Et garde à vous. qui est le directeur du cage devant lequel nous sommes placés avec la caravane. La caradoc. Avec la caradoc. Donc, bonjour Christophe. Bonjour. Pardon. bonjour. On refait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle au sein du cage? Il n'a pas envie. Mon rôle, je suis le responsable de la structure, alors qui est tout d'abord une association de loi de 1901, donc le CAJ, Club Aîné et Jeune, qui est un petit peu la suite d'une ancienne association, le CRAB, du Club du Rire et des Amis de la Belote, que vous pouvez encore voir le restaurant en bas, le CRAB. Le Club du Rire, on se demandait ce que c'était. Le Club du Rire et des Amis de la Belote. Voilà, okay. Qu'est-ce que tu disais toi Céline? Je disais le club de rendez-vous des amateurs de belote. Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça peut aussi. On avait oublié le rire quand voilà. Même. Dans le cage, cette année, les 50 ans du cage. On va fêter les 50 ans du cage en juin. Voilà, donc l'idée c'est d'une structure associative, que les gens se rencontrent, discutent, échangent. Et à côté, il y a un agrément social, culturel et sportif. Donc c'est un agrément donné par la CAF. Parce que... l'État dit que dans certains territoires, des difficultés sont concentrées. Et à un moment donné, peut-être que les habitants ont besoin d'accompagnement pour arriver à acquérir des clés, des codes. Et donc, on met en place des structures pour pouvoir accompagner certains publics. Hein, pas tous, hein, parce que tous n'ont pas besoin. Et on peut venir au cage pour plein d'autres choses que de l'accompagnement. Donc, a besoin d'être accompagné pour acquérir des codes et des clés pour trouver sa place dans la société. Donc, c'est l'idée de base. Nous, ce qu'on voit aussi dans le quartier, c'est que... ce qu'on voit aussi depuis qu'on est... Ah, il m'attaque avec le micro. C'est que le cage, en fait, c'est aussi un lieu de vie. Parce que déjà, la première salle, là, quand on rentre, c'est la salle de convivialité. Et qui a vraiment ce rôle de pouvoir accueillir les gens. Enfin, que ce soit un lieu de rencontre aussi, d'échange. Enfin, parce que j'ai l'impression que dans le quartier, il n'y a pas de bar, par exemple. Il n'y a pas d'endroit où les gens peuvent peut-être... Enfin, oui, après, il y a deux missions principales. C'est bien l'accueil du centre social, hein. C'est bien l'accueil du public et l'animation du territoire. Donc, bien sûr, l'accueil du public. Et alors, il n'y a pas de bar. Si, il y a un bar, il y en a un deuxième qui a fermé, mais c'est pareil. Le bar est un endroit intéressant, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller dans des bars. Donc voilà, c'est de créer des lieux de rencontre. Parce qu'encore une fois, la caravane est un lieu de rencontre. Hein. L'idée de la vie, je pense, c'est quand même pour la majorité des gens de se rencontrer et d'échanger l'un de l'autre. Donc, sauf qu'à un moment donné, il faut bien créer des prétextes ou des lieux pour qu'on se rencontre. Et malheureusement, aujourd'hui, peut-être pas, j'espère pas demain, que les lieux de rencontre au quartier se multiplient et qu'il n'y ait pas le cage, que le cage soit pas... Moi, je travaille pour que le cage, dans l'absolu, soit pas le cage associatif, mais le centre social, culturel et sportif, je travaille pour qu'il disparaisse. Si l'agrément centre social, culturel et sportif disparaît, c'est-à-dire que chacun trouvera sa place, qu'il y aura d'autres lieux, on n'aura plus besoin d'accompagner les gens, et qu'après, il sera juste des moments, les endroits de rencontre. L'idée, c'est ça. Et comment ça peut être possible? Qu'est-ce que vous... Déjà, je pense qu'il faut revoir la politique de peuplement de nos villes et surtout de nos quartiers, d'arrêter de mettre dans les mêmes endroits les gens avec des problèmes ou des difficultés, mais que ce soit financières, sociales, culturelles, de code. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter de mettre les gens avec des difficultés ou les mêmes difficultés ou les mêmes profils au même endroit. C'est ce qui se passe depuis aujourd'hui. Mais là, la préfète qui est arrivée a envie et l'ORU, l'opération de renouvellement urbain du quartier va être un début sur cette dynamique, parce que l'idée de l'ORU, il y aura 220 appartements qui vont être détruits et les 220 familles ne seront pas logées dans les quartiers populaires, hein, pas tous les quartiers, mais seront logés à Puymoyen, à Rebelle, au Gros Pontouvre, et c'est déjà acté. Donc déjà, ça va changer et on arrêtera. Peut-être que dans 30-40 ans, on n'ira plus. Voilà, tout le monde pourra se loger où il veut. D'accord. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est normal que, quand on parle d'habitat à loyer modéré, est-ce que c'est normal que l'habitat à loyer modéré soit différent sur le territoire? Il devrait être le même partout et que l'habitant choisisse à aller où il veut. Aujourd'hui, les moins chers et les... avec le plus nombre de pièces, c'est sur le territoire Grand Fontpellerin. Et vous faites un travail, par exemple, au cage de sensibilisation avec les habitants, parce que c'est vrai que nous, en rencontrant les habitants un petit peu, on a l'impression que c'est dur, en fait, pour eux d'être... l'idée de, d'être délogés du quartier. Oui, bien sûr. Parce que... Renouvellement, oui, il y a des gens qui s'inquiètent. Bien sûr. Nous, on travaille et on a même fait quelques réunions en disant ça serait bien de créer un lieu. Avec les informations, déjà, alors qu'ils plaisent ou plaisent pas, mais au moins qu'il y ait des informations, des vraies informations, qu'on puisse avertir au moment précis les informations et l'avancement du projet, parce qu'aujourd'hui, après les bruits du couloir, c'est compliqué, donc, alors que ce soit au cage ou ailleurs, mais l'idée c'est quand même de créer une maison de projet, une maison de la rue, pour que les gens aient la même information. D'accord. Est-ce qu'il y a eu déjà une concertation déjà ? Est-ce qu'il y a eu une présentation faite aux habitants du projet en gros ou pas ? Pas encore. Oui, il y en a déjà eu une. Hein, là. Parce que c'est le Grand Angoulême hein, qui gère le dossier, même si c'est sur Angoulême, il y a aussi la mairie, mais c'est le Grand Angoulême qui gère ce dossier. Et oui, il y a déjà eu une présentation. Oui. Après, la difficulté, c'est que comment on va faire ça tout le monde ou, voilà, ou pas ? Toujours des gens qui diront j'ai pas eu l'information, l'autre je l'ai eu, ça me plaît pas. Il y a déjà eu des temps de. Voilà. Oui. Mais on devrait aussi multiplier, mais l'idée de dire qu'à un endroit, l'information du moment est là et qu'on peut venir chercher, et à des moments précis, sur des demi-journées, je sais pas, tous les jeudis, n'importe quoi, les mardis, des rencontres avec des élus, des gens, des techniciens en charge de ce projet, bah, ça pourrait être acté et ça serait intéressant pour tout le monde. Ouais, okay. On aura le comité de quartier, c'est ça ? Oui, tout à l'heure, qui viendra parler de rénovation urbaine aussi. Tu veux continuer, Céline ? Non, vas-y. On va passer à la suite. Christophe, vous pouvez rester pour jusqu'à ce que. Je crois qu'on disait dessus maintenant. Non ? Ben non, mais je sais pas, vu que c'est compliqué, je sais jamais. Mais quand les gens du comité de quartier viendront, peut-être que ça intéresse. Oh, ok, super. Donc on continue avec parce un qu'on truc. Qu'on a tellement été bien accueillis au cage. Oui, on a été accueillis au cage mercredi et les enfants sont venus nous voir moi, Marie et Nausicaa. Je te laisse le micro, Marie. Et donc voilà, ils sont venus nous voir. Donc on a essayé un peu la table avec eux, la table de mixage, tout ça. Et on avait envie que eux aussi nous parlent du quartier, de ce qu'ils aimaient dans leur quartier, de ce qu'ils aimaient pas. Et on est retourné du coup au centre de loisirs juste après le goûter. Et on a quelques petits sons à vous envoyer. Si Florence veut bien se remettre à la technique. Merci. Au centre de loisirs de la maison de l'enfant. Si vous connaissez pas le son, c'est la première fois que vous visitez. Et il y a quelques animateurs, donc vous avez Valentin, Marine et Olivier que vous avez rencontrés. Vous avez Sophie, vous avez Angélique, vous avez Cindy, vous avez Yamina, vous avez Henria, vous avez Lionel et d'autres animateurs. Les autres animateurs accompagnent le foot. Et toi, tu fais quoi avec les animateurs ici ? Je fais des activités. Oui, mais quoi comme activité ? Qu'est-ce que tu préfères ? Dessin. Je préfère des planchettes du petit poilu. Ça parle d'un petit poilu. Il allait à l'école, mais il avait trouvé une licorne qui pleurait et elle voulait retourner chez elle, sauf qu'elle avait mal au ventre. Après, ils étaient montés ensemble dans le bus. Après l'histoire... Il se dirigeait vers une rivière chocolatée. Dans la rivière chocolatée, ils arrivaient à traverser. Il y avait des marshmallows. Et je sais toute cette histoire. Et quand on aura fini, on le représenta. Enfin, le représenter à la bande dessinée. Le musée de la bande dessinée. C'est vous qui faites cette histoire ensemble ? Oui. Tous ensemble, vous êtes combien à la créer cette histoire ? Tout le monde ne sait pas. Des mille ! Mais non ! Au centre, on est plus de 80. Je m'appelle Maguelone. Maguelone ? Oui. Tu habites dans le quartier ? Oui. Tu habites où ? Dans le quartier de la Madeleine. Ah, dans le quartier de la Madeleine, donc c'est juste en bas de la Grand Fond. C'est ça ? Oui. Tu habites dans un immeuble ? Non. Un bâtiment. Non. Une maison. Non. Dans un bâtiment. Ah ouais, c'est un immeuble. Alors, nous, on vient d'arriver à la Grand Fond, ici. T'as vu notre caravane ? Oui. Oui. Et en fait, on sait pas trop où aller. On connaît pas bien le quartier. Est-ce que t'as un endroit que t'aimes, que tu pourrais nous conseiller ? Dehors, dans une fontaine ? Bon, la fontaine ne sort pas, mais elle est décorée. Allez. C'est bon. Vous savez où elle est cette fontaine, vous ? Jamais fait de fontaine, moi, là. Mais regarde. Ah si, au rond-point, là. Oui, au rond-point. Le rond-point de la Madeleine, il est juste à côté de la gare, c'est ça? Oui, juste vous faisiez quelques petits pas et vous êtes arrivé au rond-point de la Fontaine. Là-bas, il y a des magasins d'un côté du... Oui, il y a des magasins. Il y a une épicerie et aussi il y a une pharmacie juste à côté. Et est-ce que tu as une musique que tu aimes bien? Alors là, il y en a plein. Oui. Est-ce que tu veux nous donner une musique? Ah oui, il y en a plein. Je sais pas pour laquelle choisir. La coupe à la maison. J'aime bien la musique ramener la coupe à la maison. Tu veux chanter? Non, par contre, je suis trop timide pour la chanter. C'est trop facile. La coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 30 ans après, on est les champions. Allez les bleus. Il s'agit de l'équipe de gagner. T'habites dans le quartier de la Grand-Fond? Oui. Ouais, t'habites dans quel bâtiment? Goélin. Et tu l'aimes bien ce bâtiment? Oui. Tu connais tes voisins? Oui. Tu joues avec tes voisins? Tu joues devant l'immeuble? Oui. Où est-ce que tu joues? Des fois, je fais derrière, il y a un parc qui est en bas. En bas? Il y a juste une pente à descendre. Il est où le parc? En fait, il y a un immeuble et après... Il y a une pointe qu'il faut descendre et après on tourne à gauche, c'est là. Il y a un grillage, on joue à un jeu qui s'appelle la rose de la merde. C'est là qui, soit qui tire, soit qui réussit à toucher le grillage, il a gagné, il est qualifié. C'est là qui tire pas sur le grillage, mais il a perdu. Ça s'appelle comment? Rose de la merde. Grosse de la merde? Non, la rose ou la merde. La rose ou la merde? On fait des murs. Et du foot, du basket, presque tout. Tu peux pas faire ça. Je sais pas, badminton. Et tu te balades souvent dans le quartier avec tes parents ou avec tes amis? Tout seul. Tout seul souvent? T'aimes bien être tout seul? Oui. Et quel endroit t'aimes bien dans le quartier alors? La gare. Pourquoi t'aimes bien la gare? À tes cheveux. Les trains. T'aimes bien les trains? Tu les entends les trains? Mais... Ici dans le quartier, on les entend? Oui. Et t'aimes bien le son des trains? Pas trop? Ah, donc c'est plutôt un lieu que t'aimes pas? Pas trop. Et il y a un lieu que t'aimes bien? Le City Stade. C'est juste à côté. Et vous faites quoi au City Stade? On joue au foot, au basket. Et tu vas souvent? Oui. Avec des grands ou qu'entre vous? Des grands et des petits. Et donc t'aimes bien ton quartier? Oui. Ouais. Comment tu t'appelles? Faris. Faris. Bonjour Faris. Est-ce que toi t'aurais un endroit à nous conseiller pour cette visite de la Grand Fonde quelques jours là? Je sais pas. Y a un endroit que t'aimes bien toi? Le City Stade. Le City Stade aussi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je joue au foot. Et toi tu habites où? T'habites à Goéland aussi? Non. J'habite à Bergeronnette. C'est où Bergeronnette? C'est à côté du centre. C'est en face? Où il y a la pente là, et là c'est écrit Bergeronnette. D'accord. Et il se passe quoi dans cet immeuble? Non, il y a des murs, je pourrais jouer au foot avec mes amis. Avec ma mère. Ma mère elle me surveille. Je sors dehors. Voilà, alors on avait quelques-uns des témoignages des enfants et on en a d'autres. Alors ces deux garçons qui, eux, refusaient absolument de se séparer pour faire l'interview. Donc ils nous ont fait une petite interview en duo. Comment tu t'appelles? Ryan. Et alors, Ryan, t'habites... Ah. Alors, tu me donnes ton nom d'abord? c'est le pelé, ça. Comment? Laisser le pelé, c'est bon. Oui, si ah tu oui, l'épelles, c'est bon. Mais est-ce que tu peux enlever ton truc dans la bouche? Parce que sinon, on peut pas t'entendre correctement. N-A-I-L. Nail. Nail. Bon, c'est Nail. Pas comme... Nail. Oublié. Et j'ai oublié. C'est un i très mort. Nail. Nail. Nail. De base, ils avaient choisi que ce serait mon nom de famille, mais après, ils ont dit que c'est un tout mon nom. Et toi, comment tu t'appelles? Justin. Justin. Quoi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre quartier? T'habites à la Grand Fond? Non. Ah, où est-ce que t'habites? À côté de la gare. Tu descends? Oui, d'ici. Tu descends, ensuite, après, il y a un immeuble juste en face. Et après, tu rentres à gauche. À droite. Et tu tournes de ce côté pour... Et pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas dans ton immeuble? Des fois les rats. Il y a pas des il y a des fois il vient les rats, des fois il vient des. Même il y a des cafards qui viennent comme ça sur nos pieds sans savoir. Oui. Non, tu des rats. Moi, j'aime pas mon immeuble. Des rats. Et toi, il y a des cafards chez toi? Alors, tu habites où? Juste en face de Bergeronnette. Et donc, toi non plus, t'aimes pas ton immeuble? Non, pas du tout, du tout. Et pourquoi? Les cafards, croyants. On sait même pas qu'il y a des cafards. Tu peux venir ici? Il y en a un qui vient sur ton pied. Hein. Et quel lieu vous aimez bien ici? La piscine et... Le vélo. Le vélo. Et c'est où la piscine et le vélo? C'est à côté plan d'eau. À côté du plan d'eau? Donc la piscine Nautilus. Ah d'accord, c'est Ah oui, loin. Ça c'est pas dans le quartier. Il n'y a pas un endroit dans le quartier où on pourrait aller? Parce qu'on est à pied, donc la piscine, il faut aller en voiture. À pied, on pourrait y aller au vélo par contre. Et à pied, où est-ce qu'on pourrait aller? Luna Park. Luna Park, il y a ça ici? C'est où? C'est juste à la Grande Fontaine. Non, c'est à côté de... T'as vu le grand lot avec des bateaux, avec des trucs? Après, eux, ils font des trucs et tout. Le grand quoi? Maintenant, il y a un pont. Il y a un pont? Pour conduire des vélos. Oui, il y a un pont. Tu tournes à droite, quand tu arrives, il y a plein de vélos. Dans une petite cage. Ensuite, quand tu vas en prendre un, c'est trop cool. Lui, il est trop gentil. Il connaît le truc par cœur. Il nous a fait monter sur des ponts. On est descendus comme des malades. C'est trop cool. Ah, c'est chouette, ça. Maintenant, après, la maîtresse m'a laissé aller devant. Alors, j'ai foncé et vers des mots. Ensuite, après, lui, dès que la maîtresse le fait venir devant, lui, il accélère. Au début, on ne voyait pas, j'accélère, je vois. Ensuite, il accélère aussi. Vous êtes dans la même école? Oui. Vous êtes où à l'école? Ici, là, à côté. Ça s'appelle comment? Je me rappelle plus. Émile Roux. Elle est chouette, votre école? Un peu. Elle est chouette, votre maîtresse? Ou votre maître? Allez, non. Le maître, il n'est pas gentil. Le maître, il est parti. Le maître, il est parti. Elle est partie. Et là, on a quatre maîtresses. Quatre! Avec l'autre. Ah ouais. Moi, elle est bien, ma maîtresse. Ouais, elle est bien. Vous vous amusez dans la cour? Elle est assez grande. Elle est géante. 10 mètres 20. Même beaucoup plus. 10 mètres 20. Ouais. Peut-être un peu plus, non? Ouais. 10 mètres 20, je crois que c'est pas très très grand. 10 mètres 20. Un peu plus. Elle va tout là-bas à tout là-bas. Ah oui, c'est grand. Ah, tu veux dire près du quartier? On est juste à côté, on peut regarde, sortir, il est juste à côté. On va aller regarder. Notre cour, elle est plus grande que tout centre. Ah ouais? Ça, c'est vrai. Ouais. Oui. Quand on sort directement, de là, quand tu vas tout droit, après, on est déjà arrivé. D'accord. C'est même pas là. Et dans la cour, c'est même pas de notre... Je joue au foot. Des fois, on fait sans tomber par terre. De la quoi, balle. Sans tomber par terre? Non. Sans tomber la balle par terre. Ah oui. Ou des fois, lui... Brésilienne. Ah, mais je connais pas moi. Non, regarde, tu. Faut se faire des passes. Il faut faire des passes sans tomber par terre. D'accord. Faut pas que la balle touche par terre. Il faut faire des jongles. Il faut que tu la passes aussi. Lui aussi, il fait des jongles. Il me la passe. Et toi, tu viens souvent ici jouer dans le quartier, vu que t'es en bas. Tu montes pour jouer avec tes copains ici? Et tu joues? Des fois, ils montent comme ça, ils me voient si t'en es pas quelque part. Quelqu'un. Il habite juste à côté de moi. Juste à côté, c'est juste en... Là-bas, il y a des gens, ils prônent des trucs, ils font des trucs crocs, c'est trop cool. C'est quoi? Ils font des trucs crocs? Oui, ils font... Je sais même pas où ils trouvent, et ils font des trucs comme... Tu sais, tu les as jamais vus? Si, je les vois. Tu les vois faire des choses avec des instruments de musique? Ouais, même des trucs qui font... Avec des platines? Genre qui font du scratch? Des fois, on entend des fausses pistolets qui faisaient avec des snipes. Et vous avez envie de nous dire autre chose sur votre quartier? Nous qui ne connaissons pas, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Des fois, moi j'appelle quelqu'un pour me faire sortir parce qu'il y a des chiens. Parce qu'il y a des chiens? Ouais. Et t'as peur des chiens? Il y a des box, il y a des pitbulls. Et t'as peur? Moi j'ai peur. En même temps, il meurt. Quand il voit un chien, la dernière fois au vélo, il a vu un chien, il a foncé. Ah, ça fait des heures que nous cherchons cette charrette et ce tonneau et rien, toujours rien. Pas d'inquiétude, la Caradoc arrive. Patac. Alors là, ça y est, on a du monde dans la Caradoc. Ouais, nous avons été... Nous avons été rejoints par Bastien, par Tom, ainsi que par le représentant du comité de quartier. Le président. Le président du comité de quartier. Oui, carrément le maire. Ok, ben voilà. Manu président, c'est chaud en ce moment. Oui, je ne pouvais pas sûr que ça passe, effectivement. Donc voilà, Manu président est parmi nous. Mais on va quand même finir l'émission et cette déambulation dans le quartier de la Grand Fonds. Et ensuite, on enchaînera avec une petite interview si Manu est toujours là. Donc on reprend le. Et donc là, voilà. Nausicaa. Voilà, exactement, la déambulation avec les jeunes, la deuxième partie de la déambulation de Nausicaa. Mais d'abord, c'est bien de galérer. Après, ici, c'est un centre commercial. Hein. Ouais, c'est. Il y a. C'est un centre commercial, on sait pas il y a quoi y dedans. Il y a rien du tout. C'est vrai? Il y a rien du tout. À l'époque, on était pas nés, on était tout petits. Il y avait on des était petits en vrai. Il hein. Y avait plein de trucs, on m'a dit. Il y avait des superettes, il y avait des. En fait, je pense que ouais, c'est un centre commercial basique. Mais après, au final. Ouais, ils ont tout fermé. Mais au final, il y avait le dernier, c'était le bureau de tabac. Fabrice. Et ouais, Fabrice et Mireille, hein, c'est eux qui tenaient. Et nous, on allait là-bas parce que c'était des bonbons. Hein. Ouais, ça vendait des bonbons. À 4 centimes, ça sortait pas ouais, on allait et ça vendait des bonbons. Et nous, on pouvait se poser là-bas. Même les grands de notre quartier, ils allaient, ils prenaient un petit verre. Ouais, et toute la journée aussi, encore une fois. Ouais, toute la journée. Ça se posait, ça se parlait. Jusqu'à fermeture. Ouais, tu vois, il y a vraiment les anciens de ce quartier où les gens... Ouais, c'était vraiment les... Au bar PMU. Genre 8h du matin, un café, un tiercé. C'est au bar PMU, concentré, ils te regardent même pas. La télé, tu sais, t'as un matin ça. Tiercé. Ils sont concentrés sur le tiercé, sur le tiercé. C'est limite décale, ouais, je suis en train de jouer. Un café, ouais, un tiercé, c'était ça leur vie. C'est qu'après, au final, après, à la fin, quand on a vu que tout était fermé, ça nous a fait bizarre en vrai. Ouais, c'est parce vrai. Qu'on a connu ça dès le plus jeune âge. Ça fait vraiment bizarre. Dès qu'on a parce qu'il paraît, il y avait un docteur, une boulangerie. Il y avait un cop. Vous voyez la grille là-bas. Là. Ouais, on nous a dit, franchement, nous, quand on était vraiment petits, il y avait vraiment tout. Il y avait un salon de coiffure, il y avait une toiletterie pour les chiens. Il y avait une église aussi. Ouais, il y avait même. Il y a même une église. Nous, on nous a dit, il y avait tout à notre âge. Après, le temps a passé. Ils ont considéré que c'était beaucoup trop dangereux de contenir parce que ça commençait aussi à tomber en ruine. Ouais, en vrai, qu'on voit à Vudeil. En vrai, quoi, à Vudeil, ça se voit que ça tombe en ruine. Il y avait des trucs qui tombaient en ruine. Le dernier établissement, c'était le bar. On aimerait bien que ça rouvre quand même. C'est ouais, on aimerait bien. C'est ça qu'on aimerait bien. On aimerait beaucoup. On aimerait bien. Et on aimerait bien qu'il y ait plus d'établissements. Parce que à Bel-Air, la Grand Fond, là, en termes de magasins, il y a quoi? Il y a pas, il y a rien. Rien du tout. Honnêtement, il y a rien. Si on veut aller vraiment, par exemple, aller manger, on va aller en ville. Si on veut les coiffer, ouais, par exemple, on va à Victor, Macamp ou à Victor Hugo maintenant, ça a ouvert. Si on veut vraiment faire quelque chose, on va bouger du quartier. On est obligé de bouger de Bel-Air pour faire quelque chose. On n'a rien, on n'a pas de commerce et on n'a pas d'occupation. Mais heureusement qu'il y a le cash. Hein. Ouais, heureusement qu'il y a le local jeune. Si on est par exemple pas le cash, je pense que tu vois, chacun serait rentré chez soi, ça se trouve, tu ne l'aurais même pas vu. Tu vois. On peut se rapprocher pas loin de. Bah, plus tu galères, plus tu trouves des coins où galérer. Ouais, en fait, c'est ça en fait. Même si on aime le quartier, si quand même on aime l'endroit où on a vécu depuis plus petit, on veut partir quand même, on veut bouger et on va aller loin. Ouais. Ça, après, même ça, si on aime notre quartier. Mais bon. C'est aussi un autre endroit où si on se bouge. En vrai, aussi, On a pu voir des meufs, vraiment des... on voulait vraiment être à l'écart de tout le monde. Personne nous voit. Oh, ouais. On était dans le bon, dans les deux bancs du fond. Moi je m'en souviens, en vrai je veux dire la vérité, moi je l'ai vu des personnes ici. Ah là, il y a des plantations là. Hein. Ouais, si, il y a des personnes, ils ont fait des plantations, ils ont pu faire des fleurs, des... Je pense que c'est le cas, ça, en plus. Ouais, si, je crois. Hein. Oh, c'est encore le cas. Mais c'est grave. Après, là, il y avait cette place aussi. T'étais en train de traîner souvent ici. On a traîné souvent ici. Parce qu'on... En fait, c'était aussi... Nous, on pense vraiment aussi par rapport au soleil, en fait, souvent. Parce qu'on va se dire que, ouais, on va pas se mettre en haut de la cité où le soleil va taper, on va chercher là où il y a plus d'ombre. On a passé toute la réalité dans les mêmes endroits, ça peut nous rendre fous un peu en vrai. Bah oui, donc voilà, on veut du renouveau, rechanger. Voir d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est le square Henri Darras et en fait, on est vraiment en bas de la Grand Fond. Quoi. Ouais, enfin, là, on arrive à la limite. En bas de la Grand Fond, limite au sud de la gare. Si, on est au sud de la Grand Fond. Ouais, on est plus proche de la gare. On la voit, la gare, là. Ouais, mais là, on va retourner, là. On va passer par là. École des bandits, les bureaux bandits. Ici, on était obligé de faire autre chose que jouer parce qu'il y avait rien. Il y avait deux poignées de basket et on n'aimait pas trop jouer au basket. On faisait du foot sous le préau. Ouais, on faisait du foot sous le préau, ça. Vas-y, on continue à rentrer. Ouais, on avance. T'avais de l'église. Ça, c'est le bureau tabac de Chidris, on l'appelle. Ouais, on l'appelle Chidris. Bah... Ah, il y a quand même un bureau de tabac. Ouais, mais il est tout en bas. Et quand t'as appelé. Ouais, ça aussi. Et qu'un grand qui t'envoie acheter une canette ici. Voilà, par exemple, on peut le prendre mal. C'est assez loin en fait, tu vois. Ah, c'est long. C'est surtout en fait le fait que sur Bel Air c'est basé que sur des pentes et le fait de remonter des pentes ça saoule. Tu te dis, je monte assez de pentes dans ma vie personnelle, moi. Qu'est-ce que je vais aller en remonter une encore? Ouais, c'est ça. Un bâtiment, il a brûlé 4 fois, il a résisté. Il a tout survécu. Il a incroyable. Ah, c'est brûlé. On parlait de la banane, mais fou. Ce bâtiment, c'est un héros. Tous les pays. Ah ouais, sacrée histoire. 90 nationalités, tout ce qu'on faut du. C'est l'UNICEF dedans. Il y a tout le monde. Poids lourd, poids léger. Non, là-bas, là. Ah, c'est un bâtiment en vrai. De l'Asie jusqu'en Afrique. C'est un bâtiment. Mais surtout l'Afrique, beaucoup là. Ça représente une cité en final, en vrai. Tu sais, tu dis qu'il y a toutes les nationalités. C'est pas quelque aussi, hein. Mais Moussé, c'est un petit con, je vois. Ouais, si. Moi, je faisais du vélo. Tout un tour de vélo. En plus, voilà. Ici, il y a beaucoup de place, donc ouais, ici. Tu peux même apprendre à conduire ici. Ouais, tu veux tout faire ici. Ça peut plus taper un fou. Non, après, conduire ici. Les buts, c'était les deux trucs. Moi, je ouais, voilà, c'était les deux trucs. Ah, c'était cruel, hein. Et là, on dirait que c'est abandonné quand même. Ouais, bah. C'est abandonné, l'école, là, elle a abandonné. Là, c'est abandonné. En fait, le truc il est divisé en deux, c'était l'école ancienne. Et ça, c'est le local dans lequel on traînait. Et après. On va dire, comme tu vois, il reste encore des. Et moi, j'ai entendu parler du fait qu'ils allaient peut-être rénover le quartier. Ouais, si. Et vous savez ce qu'ils vont faire ou... Bah, ils ont. Moi, je dis des rumeurs. Ce qui serait bien, c'est qu'ils changent un peu tout ça. Là. Mais ouais, là, c'est du gâchis. Hein. Du gâchis. Hein. De casser tout ça, de raser 2-3 bâtiments. Surtout pas la banane. On sait pas. Je précise, surtout pas la banane. Comment ce qu'ils vont faire en vrai. Pas la banane. Tout sauf la banane. Ils ne nous expliquent pas concrètement ce qu'ils vont faire. Juste, ils vont raser 2-3 bâtiments. Apparemment, ils vont raser Glantine, ils vont reloger les habitants. Ils vont casser, ils vont faire un grand truc ou. Bah après, ça, c'est des paroles. Bah ouais, c'est on sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Comme on dit, c'est dans les petits cartons. La Grande Fonte, l'émission de la Caradoc pendant le festival de la BD sur 101.1. Partie de l'émission, donc c'était un peu la géographie du quartier, on a terminé avec ces jeunes qui nous ont fait visiter le quartier mercredi, et donc on est rejoint par Anne-Sophie, il y a Hélène qui est arrivée avec Manu aussi, et il y a Charlie, enchantée Charlie. Donc avant de passer à la deuxième partie de l'émission qui sera consacrée à la rénovation urbaine, et donc on pourra laisser à ce moment-là la parole à Manu, on va lancer un petit son que Florence a préparé et qui est plutôt sympa. C'est deux personnes que j'ai rencontrées sur le banc, juste derrière la caravane, dans les hauteurs, sur la terrasse, quoi. Voilà, on les écoute. Bonjour. Je peux vous enregistrer ? Est-ce que je peux vous enregistrer ? Pourquoi ? C'est pour faire de la radio. La radio ? Pour passer à la radio ? Là, tout de suite, non, mais c'est pour passer à la radio après. Et pourquoi faire ? En fait, on fait une émission là, il y a une caravane en bas. Et on fait une émission ici pendant 4 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Vous habitez ici ? Oh, bien sûr, ça fait 63 ans. Oui. Et vous avez vu le quartier changer ? Ah oui. On habite par là, nous, enfin, là-bas. On a connu une belle cité. Mais on ne peut pas dire pareil maintenant. C'est dégoûtant. Il n'y a sale. Plus de rien là-bas. Ça n'a jamais été si sale. Et les gens, vraiment, ça a changé. Hein? L'environnement a beaucoup changé. Et c'était comment avant ? C'était bien. C'était parfait. On avait une belle cité. Il y avait tout ce qu'il fallait. Oui. Épicerie, coiffeur. Il y avait tout. Boulanger. Il n'y a plus rien. Boucher. Il y avait tout. Les habitants qu'on a maintenant, là, ils ont fait partir tout le monde. Quels habitants ? Vous comprenez pas ? C'est dommage, parce que c'était beau. Mais pourquoi ces habitants-là ? Parce qu'ils ont foutu le bazar partout. Ils cassent tout. Ils cassent tout. Alors, ils foutent le bazar partout. Ils ébouillent tout. Les gens, la plupart s'en vont. Ils ne veulent pas rester. Vous habitez dans un immeuble ? On a habité là. L'immeuble Alouette. Alouette ? Gentille Alouette. On habite plus loin, mais on vient là parce qu'on a du soleil un peu. Oui, à cette saison, on a un peu de soleil là. Puis les chiens peuvent courir, se promener. Voilà. Allez, viens là. Sinon. Maintenant, on va rentrer. Ben, tu veux pas. Il fait frais quand même. On est mieux à la maison. Donc voilà, c'était un petit témoignage de personnes âgées, je crois, qui étaient au banc. Qui vivent là depuis super longtemps, enfin, depuis 63 ans, c'est ce qu'elle disait. Donc voilà, du coup, c'est un peu l'idée de vous faire réagir là-dessus, Manu, président du comité de quartier, pour enchaîner sur du coup le thème de la rénovation urbaine. Manu, président. Merci Christophe. Et donc je vais vous laisser. Du coup, je vais vous laisser la parole, puis je vais laisser la parole à d'autres pour poser des questions, peut-être s'il y en a. Donc voilà, à vous la parole. Vous pouvez vous présenter, par exemple. Je me présente, donc Manu, président du comité. Je le tiens ? Oui, comme un grand garçon. Donc Manu, président du comité de quartier de Bellard-la-Grand-Fond depuis 2009. Et donc j'ai repris la présidence de ce quartier, parce qu'à l'époque, il y avait un président qui s'occupait plus de ce qui se passe en dehors de son quartier que sur ce quartier. Et j'ai été sollicité par les habitants dû au fait que, on va le dire, que j'avais une grande gueule et que je savais que ce quartier méritait plus. Donc je me suis lancé dans l'aventure, une aventure humaine super sympa, difficile. Surtout quand on entend ce qu'on a entendu par exemple sur ces deux personnes qui ont réagi. Bon, elles ont droit, c'est les opinions de tout le monde, c'est important. Mais la dégradation, comment dire, il y a une certaine dégradation, mais bon, le quartier de Bellard-Grand-Fond, le connaissant depuis 40 ans, a gardé toujours son identité. C'est un quartier quand même, dans l'ensemble, qui est un peu plus calme que les autres, sans montrer forcément du doigt. Nos soucis sont quand même un peu moindres. Aujourd'hui, on est plus sur... Enfin, moi, l'inquiétude, c'est plus sur un oubli, sur la précarité, sur les choses qui n'évoluent pas. Donc, avec ce renouvellement urbain, on reste, j'ai envie de dire, dans l'espoir. Je ne veux pas dire c'est super, je veux dire dans l'espoir. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver d'ici là. Voilà. Et vous faites quoi, vous, dans le... Par exemple, c'est quoi votre rôle ? Alors, mon rôle premier au comité de quartier, c'est une fois par semaine, j'aime faire le tour de mon quartier et justement prendre la température de ce qui va et ce qui ne va pas. Essayer aussi de sensibiliser les gens, parce qu'à une époque, c'était beaucoup sur le racisme. Mais je pense qu'à force de discuter avec les gens, c'est plus de l'intolérance que le racisme, il ne faut pas tout confondre. Les mettre en confiance, de leur faire comprendre que la personne sur qui peuvent tomber, il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Il faut, je pense, apprendre aussi à les connaître. C'est comme ça qu'on évolue. Et bien sûr, après, sur l'actualité qu'il peut y avoir... Sur Angoulême ou autre, hein. Mais généralement on parle beaucoup du quartier et justement de l'insalubrité ou autre, ou sinon aussi au niveau du logement, parce qu'ils se plaignent souvent que les travaux, il faut 6 mois ou 1 an pour faire juste un plafond et autre. Et ce que je fais aussi le relais quand les personnes sont un petit peu larguées et surtout abuser, parce qu'il y a des gens, bon, tout le monde ne sait pas tout. Bon, ben, je file voir les bailleurs ou qui de droit, les institutions, et puis je tape sur la table et puis je menace. Hein. J'adore ça. Non, mais j'adore ça quand je dis ça. Non, c'est pas une passion, c'est que je me dis quelque part que pour moi, que vous soyez salarié, RSA ou chômeur, du moment que vous vivez dans un appartement, vous devez être traité comme tous. On est tous des humains. Je veux dire, je pense qu'on doit être traité à la même enseigne. Ouais. Et c'est ça qui est important. Et y a beaucoup... Attendez, excusez-nous, on est coupé là. Il semblerait qu'il y ait une interférence dans le. Voilà. Ah non, c'est bon, il est parti. On va pouvoir vous écouter. Au revoir, Christophe. Et je ne sais plus ce que je disais. On devait tous être traités de la même manière. Voilà. Quel que soit notre voilà. Et c'est vrai que, en ce qui concerne, par exemple, le renouvellement urbain, moi, je ne viendrai pas sur des aspects techniques, je viendrai sur le côté humain. C'est vrai que quand je vois l'Ogélia, on avait fait un travail avec l'Ogélia. L'Ogélia, vous pouvez dire, c'est le bailleur, c'est ça, c'est le. Ah pardon, oui, tout ouais, à fait, oui. C'est vrai que je parle. Et on vient de me raconter dans l'oreillette, peut-être que vous pouvez raconter l'histoire des noms d'immeubles, parce que ça, on l'a pas eu encore. Alors la Grand Fond, c'est les noms de fleurs, et Bel Air, la Grand Fond, Bel Air, pardon, c'est les oiseaux. Voilà. Et c'est en fonction des différents bailleurs, c'est ça. Voilà. Alors l'OPH, c'est plus les oiseaux, donc, et puis l'Ogélia, c'est les fleurs. Dites-le avec les fleurs, quoi, en gros. Ça a déjà été dit. Jean-Pierre Brunet. Oh, je suis désolée, je ne l'ai pas bien entendu, donc on se répète. Pardon. Non, c'est bien, non, mais c'est bien, non, c'est bien. Ça, c'est un peu testé, voir s'il connaît bien son quartier. Oh oui, je le connais. Pour de vrai, quoi. Ouais, la preuve, je voulais prouver. Banane, c'est quoi comme oiseau, banane? J'ai fait mieux que ça, je vous ai même prouvé que je connaissais même les gens, puisque les deux personnes, j'ai reconnu leur voix. Sa peau, vous voyez que je... Ouais, on sait pas. Manu Président. Ouais, mais non, c'est pas d'actu. On n'a pas le temps, c'est trop long, c'est ça l'histoire de Manu Président. Non, Manu Président, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est peut-être, je vous avoue franchement, il y a des fois, j'avais envie d'arrêter. Parce que, vous savez, ce que je veux dire, je vais peut-être être vexant. Je pars du principe, moi je suis bénévole. Bon, je travaille à côté, je suis bénévole, je donne beaucoup de mon temps. J'ai créé, comme je disais à votre collègue tout à l'heure, j'ai créé une web TV à l'époque, Angoulême Acteur TV, et mon but c'était justement de donner la parole comme vous faites, et je trouve ça super intéressant, aux citoyens, à des artistes, enfin bref, tous ceux qui vivent sur Angoulême pour montrer qu'on avait une certaine énergie. Et puis j'ai voulu faire aussi l'émission avec les habitants pour avoir le ressenti. Et c'est de là que j'ai eu un petit tilt, c'est que, vous savez, quand on parle de renouvellement urbain, tout à l'heure la dame elle a dit... Ces gens qui sont arrivés et qui ont tout détruit. Bon, c'est facile. Vous savez, quand vous avez vécu 50 ans ou 40 ans, et qu'à l'époque de l'émigration qu'on avait sur Bel Air La Grand-Fond, c'était plus notamment algérienne, portugaise, parce que je suis issu de la communauté portugaise, je veux dire, ça passait peut-être mieux pour eux, c'était habitué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une nouvelle immigration et ils ne l'ont pas supportée. Et quand vous habitez depuis 40 ou 50 ans dans un immeuble et qu'en plus il y a des gros problèmes de voisinage, comme je disais tout à l'heure, l'intolérance s'installe et donc il y a un confondu sur beaucoup de choses, quoi. Et c'est ça, et la problématique elle est là, c'est qu'aujourd'hui sur un renouvellement urbain, tout à l'heure on parlait des conseils citoyens, on a bien sûr fait appel à des gens, mais moi je ne reste pas forcément satisfait à ça, parce que quand on me dit oui on a eu 200 ou 300 réponses par rapport au renouvellement urbain, moi ça ne me suffit pas. Parce que quand même, le quartier, c'est quand même un peu plus de 1 000, 1 500 personnes en logement. Et en maison, c'est à peu près le reste. Donc, on doit tenir sur un chiffre à peu près de 3 400 personnes en tout sur Bel Air La Grand-Fond. Et qu'il n'y a que 300 personnes qui s'intéressent. Bon, bien sûr, il y en a qui n'ont pas forcément le temps ou autre. Mais pour moi, ce n'est pas assez. Vous voyez ? Et il y a beaucoup de gens qui râlent, beaucoup de gens qui gueulent. Mais quand on les invite à une réunion, comme moi, je faisais beaucoup de réunions de concertation et qui ne sont pas présents... Voilà, je veux dire, on peut taper sur les institutions, mais je pense que les premiers acteurs, ce sont ceux qui vivent sur le site. Je vais peut-être arrêter de parler, parce que là, j'étais parti, moi. Ça se passe comment, la concertation? Alors, il y a un sondage, comme vous en parlez là, et après, comment ça se passe, tout ça? Alors, la dernière concertation, exemple, que j'ai fait, c'était sur les charges. C'est vrai qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des charges, qui, je donne un exemple, ils étaient habitués à payer 41 € de charges au niveau de leur logement. Et ils se sont retrouvés avec des 100, 300 euros, ils ne comprenaient plus. Donc on avait fait une réunion là-dessus. Alors ça aussi c'est marrant parce qu'on a fait une réunion pour eux, pour leur expliquer d'où venaient ces charges. Et moi j'ai trouvé ça louche, donc j'ai appelé les deux bailleurs. Et en même temps leur faire comprendre qu'il y avait quand même quelque part, on les faisait payer quelque chose qui ne relevait pas du site. Donc c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas payer des charges pour des logements qui allaient se faire par exemple route de Paris. c'était pas compréhensible. Et, mais ce qui est marrant, c'est que on a parlé des charges, la réunion a duré 2 heures, pour les charges, ça a duré 3 quarts d'heure, et après, on est parti sur l'insécurité et la délinquance. Et là, tout d'un coup, je dis, oh là, mais c'est, où est-ce qu'on est parti? Donc, les gens, je les voyais qui venaient plus pour parler, certes, un petit peu des charges, mais après, ils ont dit ce qui n'allait pas au niveau des immeubles, la sécurité, les gens qui, je veux le dire, hein, qui chient dans les ascenseurs, qui crachent, qui balancent des trucs par la fenêtre. Voilà, quoi, c'était... Ah, on a quelqu'un qui hoche la tête. Est-ce que vous auriez un petit témoignage à nous apporter? Vous habitez dans le quartier? Oui, j'habite dans le quartier, oui. Monsieur. Comment vous appelez? Marie. Ah, enchantée, moi aussi, je m'appelle Marie. Alors, vous hochez la tête par rapport à ce que disait Manu? Oui, c'est exact. Alors, il a raison. Moi, j'habite pas sur le quartier Bel Air, j'habite sur la Grand-Fond, donc plus haut. Et c'est vrai, c'est que c'est dégueulasse, quoi. Les gens, ils n'ont aucun... ça crache, ça jette des poulets entiers, ça... Urine. Et ça, à l'intérieur des immeubles? Oui, oui, oui, oui. C'est devenu pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis obligée de nettoyer mon palier alors que je paye l'eau. J'ai arrêté parce que balancer 4 seaux de 10 litres 2 fois, 3 fois par semaine, bah, c'est mon budget à moi, quoi. C'est moi qui paye l'eau tous les ans dans mes charges. Bon, moi, comme disait monsieur, Manu Borges. Manu, ça ira. Manu président. Voilà. c'est vrai que y a des choses qui sont inadmissibles, quoi. On est quand même dans une cité bien, pas trop, voilà. Mais la sécurité, la saleté, les rats, c'est plus possible, quoi. Dans les bâtiments. Les jeunes prennent pas soin des entrées de bâtiments, ils se mettent dans les cages d'escalier, ils squattent. Quand on leur demande de bouger, c'est des insultes, c'est plus que des insultes. Hein, donc c'est bien quand il y a un couple, ça passe, mais quand c'est une femme seule, on est des défouloirs pour eux. Moi, je sais, j'ai parlé aux filles, là, à 3, je leur ai expliqué ma situation, et franchement, je suis dégoûtée, quoi. Je suis vraiment dégoûtée. Ça fait 34 ans que je suis ici, et j'ai vu mon quartier changer à vue d'œil. Maintenant, est-ce que monsieur le maire a obtenu les budgets moi, j'ai lu 53 milliards. Non, 63 millions. 63 millions. 63 millions, oui, parce que 53 millions. Ouais, enfin, bon, bref, mais bon, voilà. On est à Dubaï bientôt. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la réhabilitation du quartier? Alors, déjà, qu'on propose aux gens, en priorité, la Grand-Fond. S'il y a des logements, de... Vous voulez rester sur... Ouais, moi, je veux rester parce que c'est mon quartier. C'est mon quartier, c'est ma vie, j'y suis très bien. Mais je n'irai pas ailleurs. Moi, j'ai dit, je fais faire de la résistance. Et malheureusement, mon bâtiment va être détruit. Effectivement, j'ai un endroit où c'est à peu près calme. Je dis bien à peu près calme. On n'a pas de problème dans les cages d'escalier. On n'a pas de problème de voisinage. On n'a pas. Le seul problème, c'est la propreté. Les gens sont pas propres du tout. Après, il y a une éducation aussi. Ouais, mais dans mon bâtiment, beaucoup de grandes familles, beaucoup de garçons surtout, donc ça crache dans les paliers, ça descend les escaliers, ça crache, ça descend au premier, ça crache, ça monte, ça crache, c'est pas possible. Et du coup, vous dites il y a une éducation par rapport à tout ça, peut-être dans le savoir-vivre, mais du coup, qui serait apte à amener cette éducation? Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont présents dans le quartier? Déjà, je suis désolé, votre question, quand il dit qui est apte à faire l'éducation, je trouve ça honteux. Pas votre question de penser comme ça. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est les parents. Ouais. Je veux dire, c'est pas une institution, c'est pas... Mais puisque c'est les parents, normalement, dans ce cas-là, on n'est pas apte à dire il faut faire l'éducation, puisque c'est responsable des parents, la responsabilité des parents. Du coup, le fait que vous disiez ça, je me dis, du coup, peut-être qu'il y a des acteurs que vous imaginez susceptibles de pouvoir aider, donner des clés ou... En ce qui concerne, par exemple, si on prend sur le cas de... Quand ils sont... C'est vrai que souvent, les personnes, c'est un petit peu boulé en bas de chez eux, on les insulte et autres. Bon, il y a des éducateurs qui sont là pour ça. Ça c'est sûr. Heureusement que quand les parents sont dépassés, il existe des institutions, c'est pas facile, qui reprennent un petit peu la relève. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour vous parler, par exemple, d'une famille que je connais, je tairai le nom parce que j'aime pas parler des gens quand j'avais pas promis de. Quand des enfants qui, eux deux, les parents sont quand même dans une difficulté financière, mais leurs enfants ont réussi leurs études. Et ça prouve aussi quand même que si on donne un petit peu d'attention à ses enfants, si on s'intéresse à eux, moi j'ai trois enfants, exemple chez moi quand ils débauchaient, il n'y avait pas de télé, on discutait, je m'intéressais à ce qu'ils faisaient, comme ils s'intéressaient à ce que je faisais, et bon, bah, j'ai de la chance, ils ont pas mal tourné. Après, on peut, effectivement, il n'y a pas de, c'est comme l'amour, hein, il n'y a pas de science, hein, on peut éduquer super bien ses gosses et ils peuvent mal tourner. Mais je pense que la première base, c'est que moi, je le vois quand je fais le tour du quartier, je vois des parents, mais vraiment, qui ont délaissé leur gamin. Moi, vous savez, je vais raconter une anecdote. Une fois, j'ai trouvé un gamin, il n'était pas plus haut que ça, il avait 2 ans et demi, 3 ans, et il traversait la route, il était en couche. Et quand j'ai vu ce drôle, déjà, ça m'a surpris. C'est la première fois que je vois un bébé, entre guillemets, en couche baladé. Donc j'ai été le récupérer. Et maman, Mahoraise, m'a appelé. Elle me dit, oui, c'est l'enfant de cette dame. Et je dis, bon, bah, écoute, et cette maman, en plus, est devenue après adhérente de mon association. J'ai été ramener donc cet enfant à cette dame. Ben, au lieu de me remercier, je me suis fait engueuler. Bon, j'ai pas compris ce qu'elle me disait, mais je me suis fait engueuler. Puis c'est là que j'explique, hein, elle comprenait pas forcément ce que je disais. Donc j'ai dit à Sylviane, qui était elle-même maroise, je lui ai fait, non, mais c'est grave quand même, cet enfant qui traverse, enfin t'imagines s'il se fait écraser ou autre. Et on est arrivé à ce stade où, alors je dis pas que c'était une mauvaise mère, mais on est arrivé à ce stade où les gens, ils ont pas forcément d'exemple, entre guillemets. Vous voyez, quand on allume la télé ou autre, on ne trouve pas forcément des repères. Ils perdent leurs repères. Ils n'ont pas forcément d'exemple. Et quand vous allez, je pense qu'elle peut vous le dire, toquer à la porte et dire à un jeune, s'il te plaît, tu peux arrêter de parler fort parce que j'embauche demain matin. Mais j'en ai rien à foutre que tu embauches, quoi. Personne n'a éduqué ce gourde. Pourquoi moi, je t'écouterais? J'en ai rien à foutre de ta vie, c'est la tienne. Moi, j'habite là, tu n'es pas content, tu dégages. Je veux dire, il y a plus de. Les gens ont perdu vraiment leurs repères. Moi, je vois des trucs de fou des fois, hein, comme il y a quelques mois, un monsieur qui se promenait, qui se fait sauter dessus par deux lascars qui lui enlèvent sa chaîne en or. Bon, alors on a fait avec des amis une petite enquête et il s'avère que ce n'était pas des jeunes du quartier. Parce que si c'était jeunes du quartier, je n'ai même pas le temps que les autres les auraient trouvés. Mais je veux dire, aujourd'hui, non. Au niveau éducatif, on va pas mettre tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Mais certains parents sont soit dépassés parce que ben, les enfants, je veux dire, bon, faut voir certains molosses, hein, à 15 piges, ça fait déjà 1m80, ils sont dépassés. Et puis vous avez des parents, ben, ils n'en ont plus rien à foutre, ils baissent les bras, quoi. Ils baissent les bras, quoi. Et quand ils baissent les bras, ce sont des gens comme eux qui se défoulent sur des gens comme eux, qui essaient de leur apporter quelque chose. Le problème, c'est que quand on va voir les parents, comme ce qui s'est passé pour moi, ils nient toutes choses. En sachant que leur gamin est reconnu, qui fait les appartements dans le quartier, qui vole. Et le problème, c'est que on va frapper à leur porte pour parler, discuter, essayer de trouver une solution. Parce que moi, je suis en invalidité, je ne travaille pas, j'aime mon quartier, donc voilà. Mais quand on va trouver les parents, qu'on leur explique, voilà, votre fils, il a fait ça pendant 3 jours, il est venu chez moi, il a braqué mon appartement. Ah mais non madame, c'est pas lui, il fait pas ça. En sachant que moi je me suis renseignée et qu'il est connu au service de police, même la police s'est pas déplacée. Je leur ai dit, voilà, tout est par terre, tout est... Je les ai appelés, je dis, je viens de me faire cambrioler. Oui, ben on se déplace pas. Et là moi je pète un plomb. Et là c'est moi qui mène mon enquête. Parce que c'est hors... C'est pas possible que des gamins de 10 ans et de 13 ans, 14 ans aillent braquer dans les appartements, surtout qu'ils me connaissent bien, surtout un qui me connaît très très bien et qui a fait l'enquête pour ses copains et qui m'ont tout volé. Ils m'ont volé tout ce qui était informatique. Maintenant, je fais comment, moi? Je fais comment? Je n'ai plus d'ordinateur, je n'ai plus de... Moi, ce que je m'achète, c'est... C'est pas les gens qui me donnent l'argent. Je vais pas au Resto du Cœur, je vais pas parce que j'ai 5 euros de trop. Voilà. Donc je me débrouille. Après, je me plains pas, hein, du tout. Je me plains pas, j'ai un appartement. Voilà. Mais la délinquance dans le quartier, il faudrait quand même que. Et du coup, ça, je trouve quand même que ça. Enfin, pour revenir un peu sur le sujet de la rénovation urbaine. Je me dis que ce lien entre voisinage et rénovation urbaine est intéressant, puisque par exemple, il y a des endroits où, qui étaient supposés créer du lien, par exemple ce centre commercial qui est complètement désaffecté aujourd'hui, qui pourrait créer du lien entre les voisins, voilà, se retrouver au PMU. On a entendu parler de Mireille aussi, c'était un bar qui était ici, non? Oui, oui, tout à fait. Et ça a fermé quand, ça? Alors on a appris par une surprise générale, c'est ça qui est marrant, c'est que quand ils ont fermé le centre commercial, alors je ne dis pas parce que le président doit tout savoir, au moins le centre social, on l'a appris par la presse. Ah mais tout a été fermé d'un coup ? Ah oui, direct. Hein. Ça a été fermé d'un coup. Après, ça a été quelques semaines après les fermetures des commerces, ça a été l'invitation aux propriétaires, parce qu'il y a des logements, de faire évacuer donc les locataires pour qu'ils les retrouvent ailleurs. Quoi. Mais l'histoire du centre commercial, vous savez, je pense qu'il faut reprendre le problème pour faire court. Quand il y a eu les renouvellements urbains sur ma campagne et Basso, les gens, bon, il fallait bien les loger. Donc ils sont venus sur Bel Air La Grand-Fond. Déjà, Bel Air La Grand-Fond présentait déjà une petite précarité. Moi, à l'époque, quand j'avais fait des statistiques, parce que je faisais des enquêtes, on tournait à peu près, je crois, c'était dans les 17 à 20%, on va dire, de personnes au chômage ou au RSA. Je ne parle pas des salariés, hein, je garde bien cette... Et après, le renouvellement urbain, ça a explosé. Je suis passé de 42 à 53%. Ce qui n'a pas duré après, bien sûr. Mais on est quand même là, on est quand même ouais, sur une très, très grosse précarité. Et le centre commercial a fermé. Alors, c'est sûr, moi, quand j'entends que le centre commercial a fermé parce qu'il était vétuste, c'est vrai que c'en est un des facteurs. Mais il n'a pas fermé pour ça. Il a fermé parce que plus personne n'allait dans ce centre commercial. Parce que quand on prend une économie comme le Bel Air à Grand Fond, qu'on a des gens qui sont dans la précarité, ils n'iront pas faire leur course à COP, vous imaginez. C'est coûteux. Ils n'allaient pas forcément au bar, puisque les jeunes y traînaient. Donc tout de suite, il y avait cette image de jeunes devant les bars, donc on va se faire dévaliser, chose qui n'est pas vraie. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je suis aussi en droit et je dois l'accepter aussi, la peur des gens. Je veux dire, si moi je les connais, que je ne suis pas embêté, une dame comme elle peut être inquiète. Elle a le droit. Mais je veux dire, c'est pas que sur de la vétusté, c'est surtout sur de la fréquentation. C'est que ce quartier est un quartier précaire. Et moi, ce que je voudrais pour la rénovation, parce que quand j'entends rénovation, on me dit « Ouais, c'est super, avoir des beaux immeubles et tout. » Non, arrêtez. Oui, mais une rénovation n'a jamais solutionné tout. Ce qui solutionnera, c'est de faire aussi une bonne mixité sociale derrière. C'est ça le plus important. Si le mec, il ne sait pas conduire une Ferrari et que vous lui donnez une Ferrari, c'est obligé qu'il va se vautrer. Donc, il a besoin, cette personne a besoin qu'on lui apprenne. Ben, c'est pareil. Quand on refait un quartier, il faut une mixité sociale. Il faut qu'on reparte sur de bonnes bases. Il ne faut pas qu'on garde forcément des gens qui sont malheureusement dans le même statut. Il faut de la diversité, que ce soit sur les cultures, que ce soit sur le pognon. Enfin bref, il faut une mixité sociale. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, ce qu'il y a là, elle peut vous dire, ça fait combien de temps que vous êtes sur la Grand Fond ? 25 ans. Bon, 25 ans. Ben, si je lui pose la question, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a par exemple 12, 13 ans, la Grand Fond était un quartier quand même, dans l'ensemble, très calme. Après les eaux rues, c'est là que ça commençait à faire des vagues. Oui, parce que moi, j'allais, il y avait un centre commercial. Voilà. Moi, j'allais faire mes courses le soir. Ma fille allait chercher un petit truc au centre commercial. Elle allait chercher ses gâteaux. Elle allait chercher. Alors, c'est dommage. C'est dommage, parce que moi je suis passée bizarrement, je voulais aller au lavomatique, oh, fermé. Et là j'ai lu, comme tout le monde a dû lire, qu'il était pas pour des problèmes de... Ah non, c'est que la copropriété n'a pas voulu faire des rénovations. En même temps, on ne va pas se mentir, hein, quand un endroit n'est pas fréquenté, on ne va pas faire des rénovations, hein, ça c'est sûr. Donc automatiquement, à force que, exemple, vous parliez de Mireille, qui était la patronne du bar, avec Fabrice, à force de se plaindre, bon, écoutez, la municipalité est obligée de les écouter, des gens de la municipalité sont venus, plus autres, ils ont vérifié, puis ils ont préféré fermer le lieu. Mais ce qui est par contre anecdotique, c'est ce qu'elle dit, c'est que la personne qui venait de créer un lavomatique, imaginez, elle était en vacances, quand elle est revenue et qu'elle a vu que le site était interdit, Et ça, ça manque. Je parle d'un lavomatique, hein, mais je parle aussi d'un petit truc. Moi, je suis arrivée, le lavomatique, pour moi, c'est important. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai des grosses couettes, des gros machins. Et vous savez que les emmener dans un pressing, ça coûte hyper cher. Et quand on n'a pas de revenus, ben, un lavomatique, c'est pratique. Et là, c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses dans le quartier. Mais après, est-ce que ça va changer ? Quand on parle de mixité aussi, est-ce que les gens vont vouloir s'intégrer avec tout le monde ? Ben ça, c'est un travail, je pense, je n'ai pas la science infuse, mais quand on fait un renouvellement urbain, de toute façon, il ne faut pas attendre la fin pour sensibiliser les gens. Dès que la première pierre est posée, c'est là qu'il faut accompagner, il faut aussi que les gens soient acteurs. Comme je disais tout à l'heure, parce que c'est bien beau de dire oui, on va faire ci, faire ça. Exemple, la dame est là, elle parle, elle veut témoigner. Je trouve ça super. Il y a des gens, par contre, ils ne viendront pas témoigner On peut leur donner cette opportunité d'un mécontentement ou autre, mais ils préfèrent dire oh, laisse tomber, c'est de la merde, ça ne bougera pas. Non, c'est pas comme ça qu'on avance. Autant dire les choses, voilà. Mais il faut que, justement, quand la première pierre est posée, qu'on accompagne ces gens, qu'on les fasse participer en tant qu'acteurs, parce que c'est quand même eux qui vivent le quotidien. Et à partir de là, voilà, créer, et, comme je disais tout à l'heure, surtout sur cette mixité sociale qui est très importante. Mais moi, je pars du principe, après, je n'ai pas la science infuse. Je l'ai dit au maire, comme je l'ai dit à toutes. Si c'est pour me refaire un quartier et qu'on ne change pas ce qu'il y a vraiment, cette problématique ce qu'il y a derrière, ben on aura quoi ? Des belles portes, mais tôt ou tard, tout beau, tout nouveau, et après ça repartira en sucette. Il ne faut pas se mentir. Vous savez, ça, c'est ça qui est dommage, quoi. En tout cas, est-ce que vous croyez pas que ça peut marcher aussi si les habitants ils sont complètement enfin intégrés à ce processus-là, c'est-à-dire permettre aux habitants de venir participer à des réunions, dire ben voilà moi je voudrais ci, je voudrais ça, que déjà les habitants se rencontrent entre eux et qu'il y ait un lieu pour ça quoi. Parce que j'ai l'impression que là pour l'instant il y en a pas. Ben, alors écoutez-moi, il y en a un qui s'appelle les conseils citoyens. Pourtant, c'était relaté dans la presse et autres. Les conseils citoyens, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui est reconnue par la préfecture, hein, donc apolitique aussi, parce que les élus n'interviennent pas. Et le conseil citoyen, ce sont des gens qui viennent exprimer leurs envies de ce qu'ils aimeraient avoir sur le quartier. Il y en a un ici à la Grand-Fond ? Il y en a un, bien sûr. Il y en a un qui bien sûr, les réunions se font au centre social Cage, qui est juste derrière nous. Et donc, le but, c'est qu'on permet à ces gens. Mais comme on le disait tout à l'heure, hors micro, les gens ont été invités. Il y a eu des questionnaires de fait. On va dire, en grosso modo, 300 questionnaires pour 200 et quelques réponses. Est-ce suffisant ou pas ? Bon, pour certains, peut-être. Pour moi, non, parce que j'estime que quand on est plus de 1000 et quelques, ou même 3000 dans l'ensemble, j'aurais voulu plus. Bon, après, peut-être est-ce que je suis gourmand, j'en sais rien. Mais la parole est donnée. Et pour moi, en tant que président, si je devais me battre, je n'accepterais pas que le quartier soit rénové sans le consentement, sans l'engagement des habitants, parce que ce sont quand même les premiers qui vivent ici. Et ce sont les premiers aussi qui connaissent les mécaniques heureuses ou malheureuses de ce quartier. Moi, je pense à une chose, c'est qu'en fin de compte, on n'est pas assez... Moi, j'ai tout appris par la presse, comme quoi que mon bâtiment allait être cassé, comme quoi que... Voilà, j'ai tout appris par la presse. J'ai envoyé, par rapport à il y a quelques mois, à peu près 2 ans, j'ai envoyé des photos au maire via son compte Facebook, hein, pour lui faire voir dans quelle saleté on vivait. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? Pas de réponse ? J'ai même pas eu un rendez-vous avec monsieur le maire. Oui, madame. Et il y a quelqu'un qui a reconnu mes photos. C'est une personne d'Omega, qui était très très gentille, qui a quitté Omega, hein, je tiens à préciser, qui m'a beaucoup aidée à l'époque, parce que j'ai eu de gros soucis avec les locataires. Et par rapport à un Rottweiler, hein, je vous précise, hein, j'avais un Rottweiler. Donc pendant tout le long de sa vie, j'ai eu des enquêtes dans mon dos. Non, parce que là, la madame, elle a un petit Yorkshire dans ses bras, donc voilà. C'est assez drôle d'imaginer. Et du coup, c'est le pins du Rottweiler. J'ai eu des enquêtes, bien sûr, par certains locataires qui ont été en expliquant que, mais malheureusement, ils n'ont jamais eu rien à me reprocher. Par contre, moi, j'ai fait des photos de ce que, par exemple, les gens vont à l'épicerie sociale. Okay, je retrouvais des colis de l'épicerie sociale avec la viande et tout jeté derrière. C'est-à-dire que les gens, ils récupèrent les colis à l'épicerie sociale ou au Resto du Cœur ou aux associations. Et je pense que ça ne leur plaît pas. Et après, ils les jettent derrière. Il faut savoir qu'en les jetant, ils attirent les rats, ils attirent tout. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse vivre encore en 2019 avec ce genre des gros sacs poubelles de viande, de déchets, de voilà. On a un problème, nous, c'est les poubelles. Nous, c'est notre problème à nous, c'est les poubelles. On a encore des containers. Alors effectivement, ce sont pas des poubelles enterrées, hein. Malheureusement, quand les poubelles, les conteneurs sont pleins, on met par terre. Mais quand ils sont trop pleins, on jette par les balcons. Après, si je peux me permettre, après, c'est sûr, on parle du quartier de Béarn à Grandfond, mais je voudrais vous dire que, après, c'est malheureusement général. Enfin, je défends, je condamne. Hein, c'est, ouais, mais c'est un peu partout. Sur vous Bel avez Air, les gens, vous allez sur Bel Air, vous allez sur Bassot, vous allez même dans d'autres régions. Moi, j'étais dans d'autres régions et je peux vous dire, j'ai vu des trucs, même en campagne, je me suis dit, oh, même là, ça existe. Ouais, non, mais là, ce que je veux dire, c'est qu'en après, plus, c'est normal que vous parlez de. Ce qu'il y a en plus, c'est que sur Bel Air, il y a les poubelles enfoncées, enfin enterrées. Ouais, les corps enterrés, ouais. Voilà, nous, ils ne sont pas enterrés. Et le petit souci qui se pose, c'est que moi, quand je vois qu'à 21h, vous avez les rats qui courent sur le trottoir et que j'ai mon petit chien qui court après, il y a deux solutions. Ou un jour il se fait mordre, parce que les rats vont devenir de plus en plus gros, hein. Ils vont se nourrir. Oui, parce que le chien de madame est petit. Hein. Donc. Un Yorkshire. Non, mais voilà. C'est quand même grave d'avoir des rats sur le trottoir. Je pense que là, il y a les gens, il faut leur apprendre, il faut leur dire. On a eu des papiers comme quoi qu'il fallait plus laisser les poubelles sur les paliers, parce que les cafards, on est envahis. Voilà. Je pourrais en dire, parce qu'on a des cafards qui montent le long du mur. Quand on ouvre les fenêtres de cuisine, ça rentre dans la cuisine. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec les cafards et je me suis battue contre mon bailleur. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucun contact avec les bailleurs. Mmh. Et ça, c'est bien dommage. Parce que nous, on leur paye un loyer. Alors moi, comme je dis, je me plains pas. J'ai un logement, j'ai un toit. J'aimerais bien travailler, mais malheureusement, je peux pas. Voilà, je me plains pas parce qu'il y a pire que moi. Hein. Mais vivre comme on vit là à l'heure actuelle, entre l'insécurité, l'insalubrité, et maintenant que le maire a mis une seule tournée de poubelles à ramasser par semaine, donc imaginez bien. Moi je suis apolitique, hein, je vous le dis tout de suite, je fais pas de politique, je fais rien, parce que sinon voilà, je pourrais me présenter, mais sans rigoler, ouais, c'est ça craint, c'est dommage, parce que moi, comme je dis, on a un beau quartier. Moi je suis arrivée là, ma fille avait 12 mois, elle en a 31, donc j'ai commencé par les alouettes, après je suis partie aux hortensias et après je suis partie à la banane. Donc vous voyez, plus ma fille a grandi, j'ai pris des appartements plus petits, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grandes familles ici. Oui. Et les personnes comme moi seule, on n'est pas très très nombreuses sur la Grand Fond. Hein. C'est ça. Donc ils n'ont pas des appartements appropriés en plus. Pour avoir un petit appartement, faut vraiment... Il faut se lever de bonne heure parce que soi-disant qu'ils n'en ont pas. C'est les loyers les moins chers, hein, sur ouais. La Grand Fond. Ouais, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est pas facile à c'est une personne extérieure qui voudra aménager sur le quartier. Moins de 450 euros pour un T3, c'est bien. Moins cher. On s'en sort. Les gens qui me disent, moi je m'en sors pas, c'est pas possible. On paye pas d'eau, on paye pas de chauffage, tout est compris. C'est vraiment que moi j'ai eu ma fille, j'ai pris un appartement HLM parce que j'avais des petits revenus. Oui. Mais j'ai bossé aussi, j'avais les contrats à l'époque. C'était obligatoire, maintenant je ne sais plus si c'est obligatoire. On signait un contrat avec le Conseil Général, je touchais la CAF, mais il fallait que je travaille. Mais maintenant, le problème, c'est que voilà, c'est... Mais c'est mon quartier. Justement, nous, on l'a trouvé très beau, ce quartier. Mais et oui. Donc, on y fait de la radio et on y fait de la radio mais pour oui. Rassembler tout le monde. Il faut... Du coup, on est ravis d'avoir, d'avoir eu ce témoignage. Il faut, parce que si on ne défend pas notre quartier, moi, je sais que je n'aurais pas fait ça il y a 2 ans, ouais. Comme vous parlez. Je n'aurais pas fait ça il y a 2 ans. Parce que j'avais peur des gens, parce que je me méfiais de tout le monde. Mais là, il faut défendre notre quartier. Il y a une chose importante, par contre, là, ça me tient à cœur. Pour parler, bon, je comprends ce qu'elle dit, et c'est vrai, hein, sur certains cas, ce qu'elle dit. Mais le quartier de Bel Air et Grandfond, et ça, je reste vachement à cheval dessus, c'est qu'on a notre identité. Et ça aussi, c'est parce que c'est un peu cette identité de grand frère. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends un exemple, j'ai eu des gamins au foot, ils avaient 7-8 ans. En grandissant, on leur expliquait certaines choses. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin, par exemple, au City Stade. J'ai une grosse problématique où les mecs ils cassaient tout, ils balançaient leurs déchets. Ben, ils ont pris la relève. Ces gamins, je leur dis, vas-y, je suis pas là, je te fais confiance, j'ai aidé ta famille, tu peux me faire ça pour moi. Et paf, ça se fait automatiquement. Et c'est ça qui est aussi important, parce que c'est vrai que ce qu'elle dit est vrai, mais j'aimerais aussi qu'on sorte quand même des choses positives. Comme vous l'avez dit vous-même, que c'est un beau quartier. Parce que si les gens nous écoutent, ils font, on va éviter Bel Air. Ouais, non. J'essaie de couper un peu, de faire une petite pause avec des petits sons sympas, mais je vois que ça vous tient très. Ah, donc faites une pause, on reprendra après. En fait, ce qui va se passer, c'est on va. En fait, Marie, Mama, Cécé et Lolo. Voilà, donc on c'est. On fait une visite du quartier sans le connaître vraiment ou sans le connaître comme vous. Et du coup, on va passer un son de cette découverte du quartier que elles ont fait dans cette circonstance, quoi. Alors moi je proposais plutôt qu'on écoute, parce que cette découverte est un peu longue, mais qu'on écoute comment on a fait résonner le lieu abandonné, parce qu'on a utilisé plein de petites choses pour faire sonner un peu tout ce qu'il y avait, donc les rideaux de fer, ce genre de choses. Et c'est à quel endroit alors ? Et donc c'est justement au centre commercial qui est désaffecté aujourd'hui. Et du coup on vous propose d'écouter ça pour que ça rassemble un peu tout le monde. Maman ? Lolo ! Cécé ? Maman ? Lolo ! Maman ? Cécé ? Maman ? Lolo ! Liberté, mon cul. Égalité, mon cul. Fraternité, mon cul. Liberté, mon cul. Égalité, mon cul. Fraternité, mon cul. La barrière, le, comment on appelle, le rideau de fer. Avec écrit nique la police dessus. Vert, avec des, la peinture qui se... Que se dérive. Oh, c'est trop bien ce son. C'est trop beau. C'était la grande fonte. Voilà, c'était la grande fonte. Maman Lolo. Donc voilà un peu ce qu'on a essayé de faire, nous, pour positiver un peu tout ça, de faire résonner les déchets. Il y avait des fils électriques qui pendaient. Alors là, Céline était sur c'était un peu du verre, voilà, du verre cassé. Les rideaux de fer qui étaient tous fermés. Puis on a essayé de tirer les rideaux pour regarder un peu dans la laverie. On voyait de la lumière. Enfin, du coup, on a essayé d'explorer tout ça à travers le son pour rendre ça un peu... voilà, y trouver un côté joyeux et quand même joli, malgré la tout. Poésie, malgré tout. Mais surtout le rideau de fer, ça nous a glacés. Et si vous le voulez bien, du coup, je vais vous proposer d'avoir un autre témoignage d'un habitant qui n'a pas pu venir. Enfin, pas d'un habitant, d'un propriétaire d'un garage qui se situe en dessous là-bas, donc avec l'immeuble qui va être détruit, qui est juste à côté du préau où se trouve le centre commercial. Donc il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais on a récolté son témoignage par rapport à ce qui allait se passer. Donc je vous propose de l'écouter également. Et voilà, je vais le lancer. Bonjour monsieur. C'est une radio ? Oui. Je pose des questions aux gens du quartier. Il y avait un centre commercial, donc là ils ont mis les barrières, ils ont trouvé que c'était dangereux. Enfin, normalement ça peut être démoli. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que... Bah, ils veulent rénover le quartier, tout simplement. Voilà. Vous en pensez quoi ? Bah, moi, nous, le problème, c'est que... en fait, ce qui se passe, c'est que la mairie... Il voudrait racheter tout ça pour rien. Comme c'est un peu dangereux, enfin vétuste, etc. Alors que bon, il s'est occupé, il y a des locataires, il y avait des locataires de l'autre côté, il y avait un bar, il y avait une coiffeuse, il y avait l'église, enfin tout ça qu'on vous remontait, vous verrez. D'accord, il n'y a plus rien là tout à fait. Tout est barricadé. D'accord. Donc le syndic va faire les travaux, parce que soi-disant c'est le préau là-bas qui était dangereux, bon le syndic va faire les travaux, espérons le sauver, enfin au moins être après indemnisé, parce que si la mairie le rachète pour une bouchée de pain, voilà, le problème est là, c'est incroyable comme ça a été vite. Pour l'instant, ils essayent de mettre le centre commercial en péril de telle façon à récupérer le terrain, puis la démolition gratuite. Mais vous croyez que c'est contre les habitants, contre les propriétaires, ou c'est pour la sécurité? Non, c'est une magouille. Magouille, tout simplement. C'est tout. C'est vrai? C'est une magouille, ouais, à mon avis, oui. C'est déclaré vétuste, donc ils vont rien indemniser du tout. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ils vont rien indemniser. Ça va passer à la trappe. L'église évangélique était fermée, le bar, l'avomatique, une pharmacie, une coiffeuse, tout ça, ils ont fermé à cause de soi-disant que le préau, là, vous voyez là, au-dessus, là. C'était dangereux. Et là, le syndic, justement, on a payé pour faire les travaux. D'accord. Oui, justement, éviter que la mairie prenne possession du centre. D'accord. Ouais. Parce que vous êtes propriétaire, c'est ça? Moi, je suis propriétaire. D'accord. Et il était propriétaire des deux appartements qu'il a vendus. Voilà. Du coup, il m'expliquait un peu ce qui s'était passé. Voilà. Ce qui va se passer. Donc, ils vont rénover. C'est dans la loi. La loi. Ouais, de renouvellement urbain, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Ça tombe là-dedans, c'est bon. Donc c'était prévu, mais là même en plus, le problème, c'est nous les propriétaires avec la mairie qui veut essayer de récupérer. Ouais. Ok. Si ça se passe pas comme il faut, il y aura une grosse perte, quoi. Voilà. D'accord. Ah ouais. Bonjour. Ben merci beaucoup. De rien, allez, bon courage. Au revoir. Parce que le carbu, il doit avoir parce que là, on peut travailler jusqu'à la campagne. Si on est comme ça, ça va pas bien. Mais je pense que là... Vous vous connaissez? Oui, oui. Vous connaissez les... Non. On demande du coup comme ça? Oui, enfin on demande gentiment. Ben oui, oui. Et vu que le monsieur est très sympa, donc il a prêté. Enlève le vis de la durée de défense. Pas de chiffon. Enlève le vis de la durée de défense. C'est bien quand les petits jeunes savent se débrouiller. Hein. Des petites réparations. Vous les trouvez sympas les petits jeunes ici? Ouais, bon. Hein? Je demande si vous trouvez sympa. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. On est passé par là. Hein. Voilà, là ça fait quand même du bien parce qu'à la fin de ce petit son, on a un peu le contrepoint de ce qui vient de se dire. C'est une bonne relation de voisinage où deux petits jeunes arrivent avec leur scooter qui marche plus et ils rencontrent ce propriétaire du garage et demandent un tournevis justement pour réparer leur scooter. Puis alors ça se passe très bien, ils sont restés quand même une heure et demie ensemble pour pouvoir réparer ce scooter. Parce que du coup on est monté au centre commercial et le temps de revenir ils étaient encore là et au final ils ont pu partir sains et saufs grâce à ce cher monsieur justement propriétaire du garage. Et je crois que Manu avait quelque chose à nous dire encore sur ce centre commercial. Oui bien sûr, mais d'abord ce que tu disais par rapport à ces jeunes, au moins tu vois ça prouve que tout à l'heure on a entendu un témoignage quand même, c'est vrai qu'il est un peu quand même dur pas facile, mais voilà, on retient aussi quand même qu'il y a quand même des belles choses qui se passent sur ce quartier de Ballard-à-Grand-Fonds, parce que c'est quand même primordial pour moi aussi de, voilà, c'est une vie comme un peu partout. Oui, sur le centre commercial, effectivement, j'ai entendu la personne qui disait que la mairie va racheter ci, la mairie va racheter ça. Moi, je vais vous dire une chose, tout à l'heure, la dame m'a parlé de commerce. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que Ballard-à-Grand-Fonds est coincé sur trois pôles, Victor Hugo, la Madeleine et le centre Leclerc. Donc c'est trois pôles économiques qui nous ont bien écrasés, où on retrouve une attraction au niveau des prix, comme par exemple Leclerc, hein, quand on n'a pas trop d'argent, mais Leclerc c'est quand même un magasin attractif. Et puis vous avez des pôles comme la Madeleine qui marche très, très bien, c'est un pôle économique, et Victor Hugo. Et à la question de savoir qu'est-ce qui va arriver sur ce centre commercial, alors bien sûr qu'aujourd'hui on est sur une réflexion, ça, faut pas croire que les choses sont bien établies. On parle d'une maison de santé, on parle aussi d'un projet de réinsertion. Enfin, bref, on parle de beaucoup de choses. Moi, je pense, alors ça, c'est mon opinion personnelle, je pense pas qu'on aura dans le futur des magasins de proximité. Pourquoi ? Parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, on en revient au même point, c'est-à-dire cette mixité sociale. Si on reste toujours sur les mêmes bases, il faut penser à la personne qui est derrière le comptoir. Une anecdote, il y avait un COP à l'époque qui était tenu par M. Menant. Et un jour, il y a c'est le COP. Voilà, ouais. Ici, Atlantique. Ici voilà. Et il y a eu le feu. Alors, un feu qui ouais, il faisait à peu près 40 cm de haut, le feu. Hein. Et la presse, aussitôt, avait dit oui, parce que M. Menant avait revendu le COP. Et donc, moi, j'étais en tant que président, j'étais curieux de savoir pourquoi il avait fait ça. C'était important parce que je voyais quand même qu'on perdait un commerce. Et j'étais le voir. Et puis, sur la presse, il y avait écrit que, justement, ce COP avait fermé à cause de ça. Et Menant m'a dit non, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a rien à voir avec les jeunes ou autres. C'est que la personne qui est derrière son comptoir, Manu, moi, écoute, je te donne un exemple. C'est 4000 balles de charge pour un chiffre d'affaires de 1000 balles. Je peux pas. Et donc, ça se résume. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Ça se résume à ce qui va se passer aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui par rapport à ces commerces. C'est que les commerces n'ont pas fermé pour rien. Ils ont fermé, comme je le redis, par rapport à cette précarité, par rapport à ce que les gens n'ont pas forcément des moyens, par rapport aussi, comme elle disait, qu'il y a beaucoup de gens quand ils vont aussi à l'épicerie sociale parce qu'ils n'ont pas, ils ont cette difficulté de finir les mois. Et on avait une réunion avec le maire il y a quelques temps. Et c'est vrai que j'ai dit, et donc je tourne pas ma veste, hein, je suis toujours fier de ce que je dis. Moi, j'y croyais pas. J'y crois pas un commerce, une boulangerie, au centre commercial, j'y crois pas. Un COB, j'y crois pas. Aujourd'hui, une maison de santé, maison d'insertion ou autre, enfin bref, oui. Parce que tant, et je le redis encore, je me répète, mais tant qu'on sera sur cette même dynamique qu'on l'a aujourd'hui, malheureusement, j'ai bien dit malheureusement, hein, c'est pas une critique. Il faut penser à ceux qui sont derrière ces commerces. Donc le centre commercial a fermé, pour quelles raisons ? On ne le saura peut-être pas. On parle de vétusté, on parle peut-être de chiffre d'affaires, on parle de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, pour en terminer, hein, sur le centre commercial et le renouvellement urbain, moi ce que je demande, c'est la première chose, c'est un accompagnement sur les habitants, donc une bonne mixité sociale. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que les jeunes de ce quartier, bon, ça s'est fait, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur Basso ou ma campagne, mais j'aimerais que ces jeunes du quartier soient sollicités aussi pour pouvoir travailler avec les entreprises qui viendront faire la rénovation. Parce que ça aussi, c'est important qu'ils puissent aussi participer d'une manière quelconque, et gagner un petit peu un salaire ou leur vie, on va dire, hein, à la participation de la rénovation de leur quartier. Voilà. Donc, je resterai sur une fin de mot, c'est ben, l'espoir. Alors, espérons. Voilà. Merci beaucoup, Manu Président, hein, on est tous d'accord, je pense. Et merci à vous, Marie, Manu d'être venue président, témoigner. Oui, Manu Président. J'ai rien à voir avec l'autre Manu. Hein. Et puis merci du coup à ceux qui sont venus nous écouter dans la caravane. Et je vous remercie de votre accueil, c'était super. Ouais, et, avec plaisir. Et je vous invite, franchement, j'invite à ceux qui nous écoutent de venir auprès de vous. Parce que c'est très convivial, c'est merci. Humain. C'est pas la langue de bois. On dit ce qu'on pense et vous nous écoutez avec le cœur. Et ça, c'est très important pour beaucoup de personnes parce que c'est pas facile pour les gens de parler. Je dis souvent, les gens aiment bien se faire entendre, mais ce qui est important pour eux, c'est aussi de les faire exister. Faut jamais oublier ça. C'est beau. Et ben, merci. On est très contents. Merci beaucoup. Et un petit jingle pour finir. Allez, un gilet jaune. À midi. Quelle heure est-il ? Il est midi. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Des saucisses. Écoutez et répétez. À midi. À midi. À midi. Quelle heure est-il ? C'est quelle heure? Entre midi et 13h. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a? 13h-14h. 13h-14h. Ah bon, notre émission? Oui. Ah ouais. Donc voilà, c'est la fin de notre premier direct de la Caradoc à la Grand Fond. On est ravis que ça ait marché. Hein, on est ravis, on est d'accord? On est super contentes. Formidable. On remercie tout le monde d'être venu et puis on va vous lancer une petite musique avant la fin. Puis surtout, retrouvez-nous demain et dimanche de midi à 14h pour la Grande Fonte. Et donc là, on va vous passer Brigitte Fontaine et Areski, c'est normal. À vous les studios, Radio Adoc. Vous savez pourquoi la Grande Fonte? J'ai entendu un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie